J'ai peut-être commencé par me présenter rapidement. Donc, je suis militant depuis 6 ou 7 ans. Je vais commencer par me présenter rapidement. Donc, je suis militant depuis 6 ou 7 ans, principalement avec l'Association droits des animaux. Et actuellement, je fais une thèse à l'Université de Leicester au Royaume-Uni en sciences politiques sur la répression du mouvement animaliste dans le monde. Mais là, en fait, je vais reprendre les grands points du livre que j'ai publié chez Droits des animaux en mai dernier, qui s'appelle « Militantisme politique et droits des animaux », et qui est en fait la traduction de mon mémoire de master de l'année dernière, master en politique publique. Juste par curiosité, il y en a qui l'ont déjà lu? Ok. Ouais. Ouais, ça marche. Militantisme, politique et droits des animaux. Voilà, c'est chez Droits des animaux, qui a été édité chez Droits des animaux. Voilà, donc à l'origine, en fait, j'ai voulu m'intéresser à ce sujet-là parce que je pensais, et je pense encore plus aujourd'hui, qu'il était nécessaire pour le mouvement français de se politiser parce que, particulièrement dans le mouvement français, on est resté très largement dans une perspective de changer les mentalités et les comportements individuels principalement. Donc pour les associations les plus réformistes, ça pourra être d'inciter les gens à manger moins de viande ou plus bio, etc. Pour les abolitionnistes, à devenir vegan. Voilà, et si cette dimension-là, elle est importante, et je pense même qu'elle est indispensable, je pense que seule, elle ne peut pas suffire et qu'elle doit se doubler d'une perspective politique. Et ce, parce qu'on se rend compte que la plupart des gens ne mettent pas toujours en pratique leurs idées, particulièrement lorsqu'il en vient à leur choix de consommation. Et donc, par exemple, à un moment dans le livre, je cite un sondage qui avait été mené en Autriche où 86% des gens se déclaraient pour l'interdiction des cages en batterie pour les poules pondeuses, alors que dans le même temps, 80% continuaient à consommer des œufs issus de tels élevages. Et plus récemment, L214, je crois l'année dernière, avait fait un sondage sur le foie gras et presque la moitié des répondants se déclaraient pour l'abolition du gavage, alors que même pas un cinquième boycottait de fait le foie gras. Donc on se rend compte qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'uniquement en informant et en convainquant les gens, ça change réellement les choses massivement pour les animaux. Voilà, et donc ça à la fois dans une perspective à court terme, donc là celle dont je viens de parler, donc une perspective réformiste, et dans une perspective à long terme, donc abolitionniste, parce que il est bien évident qu'on n'aura jamais 100% des gens qui deviendront véganes par eux-mêmes, quoi, hein. Et donc, tout comme on n'a pas mis fin à l'esclavage en demandant aux esclavagistes d'arrêter d'avoir des esclaves, un par un, il faudra qu'un jour l'exploitation animale soit abolie, et donc ça doit passer par la politique. Voilà, et donc le point de départ de ce projet, c'était de réfléchir à la politisation du mouvement en France, en se basant sur ce qu'on peut apprendre des stratégies politiques qui ont été développées dans d'autres pays par le mouvement, et voir ce qui pourrait être transféré chez nous avec notre système politique à nous et le mouvement tel qu'il est chez nous. Et donc, à la base, je pensais, alors ça j'en suis un peu revenu après, je dirais pourquoi, mais je pensais que la politisation du mouvement devait nécessairement passer par la création d'un parti animaliste. Et c'est quelque chose dont on parlait depuis plusieurs années, on en a parlé aux estivales, enfin, voilà. Et donc, du coup, j'ai pensé forcément aux Pays-Bas, puisque c'est le seul pays où un parti animaliste a obtenu des élus au Parlement. Et donc, il y avait deux questions de recherche principales par rapport à ce cas-là. C'était savoir déjà si le parti a eu un réel impact, s'il a vraiment changé les choses, et si oui, quelle en était la raison principale? Est-ce que c'était simplement d'entrer dans la compétition électorale, donc de se présenter aux élections, et donc de venir à présenter une menace pour l'électorat d'autres partis et les pousser à se pencher sur la question animale? Et alors, si c'était ça la raison principale, alors là, c'est quelque chose qu'on pourrait transférer chez nous en simplement se présentant aux élections. Maintenant, deuxième question, est-ce que ce succès s'explique plus par le fait d'être entré au Parlement réellement? Alors ça, c'est une vraie question parce que ils n'ont que 2 députés sur 150. Donc ça pourrait paraître peanuts, si on pourrait se dire bon, ça n'a pas eu tant d'impact. Mais si ça avait été le cas, alors là, c'est plus problématique pour transférer cette stratégie chez nous, puisque eux ont pu rentrer au Parlement néerlandais parce que les Pays-Bas sont un des rares pays à avoir un système politique réellement proportionnel. Donc vous avez 1% des voix, vous avez 1% des sièges au Parlement. Nous, on a un système majoritaire, donc dans chaque circonscription, il faut avoir plus de 50% des voix pour pour avoir un élu. Et donc, il est bien évident qu'un petit parti, et qui plus est probablement à cause unique, donc uniquement focalisé sur les animaux, a aucune chance en France d'avoir ne serait-ce qu'un élu, quoi. Voilà. Et ensuite, je voulais prendre un autre pays où la stratégie aurait été différente et aurait été d'influer sur les politiques publiques de l'extérieur de la sphère politique, donc sans passer par un parti. Et il fallait que ce soit un pays où la situation soit quand même comparable à celle de la France. Et donc j'ai pensé à l'Autriche parce qu'il y a encore une quinzaine d'années, c'était un pays qui était extrêmement en retard sur sa législation par rapport aux animaux, tout comme la France l'est aujourd'hui, et où le mouvement est assez modeste. C'est-à-dire qu'en gros, ça tourne autour d'un noyau de 200-300 militants vraiment impliqués régulièrement, donc c'est assez comparable à ce qu'on a en France. Voilà. Et en seulement quelques années, ils ont réussi à faire de l'Autriche un des pays les plus avancés au monde. Voilà, donc c'est une étude qui est basée principalement sur des entretiens, parce qu'il y avait très peu de choses qui ont été écrites sur la situation dans ces pays-là, excepté en Autriche où Martin Balour, qui est un peu la tête du mouvement autrichien, a écrit deux articles où il décrit bien les stratégies politiques développées par le mouvement là-bas. Et donc j'ai interviewé des militants de terrain, des militants professionnels, dans le cas des Pays-Bas, des cadres du Parti pour les animaux, histoire d'avoir une vision globale et différents points de vue, quoi. Voilà, alors je vais commencer en fait par clarifier certains termes que je vais utiliser. Et ça, en fait, donc c'est pas pour cliver plus le mouvement, mais plus parce que je pense que c'est vraiment important qu'il y ait plus de coopération dans le mouvement. Et c'est ce qu'on verra dans le cas autrichien, que ça a été déterminant d'avoir une certaine unité dans le mouvement. Et donc je pense que c'est important de comprendre en quoi les différents groupes dans la cause animale doivent coopérer et qui peut coopérer avec qui, sur quel type de campagne, etc. Donc traditionnellement, dans la cause animale, on fait la différence entre les welfaristes, qui sont ceux qui, historiquement, sont les premiers militants pour les animaux et qui cherchent uniquement, enfin qui ne remettent pas fondamentalement en cause l'exploitation animale en soi, qui ne remettent pas en cause le fait de tuer un animal en soi, mais qui cherchent uniquement à réformer cette exploitation et à limiter les souffrances des animaux exploités par l'homme. Et alors c'est une... C'est accompagné historiquement d'une considération utilitariste, c'est-à-dire que les welfaristes vont chercher à limiter les souffrances jugées non nécessaires, et à supprimer les souffrances jugées non nécessaires. Ce qui explique que certains groupes peuvent prendre des positions abolitionnistes sur certains secteurs de l'exploitation animale, par exemple la fourrure ou la corrida, etc., alors que d'autres groupes welfaristes, sur les mêmes secteurs, ne prendront qu'une position réformiste. Et à côté de ça, on a les abolitionnistes qui, eux, remettent fondamentalement en cause l'exploitation animale et le fait de tuer un animal en soi. Voilà. Et en fait, bon, ça, c'est uniquement des considérations idéologiques. Mais je pense que c'est important d'aller plus loin et de prendre en compte les stratégies des différents groupes pour mieux comprendre comment abolitionnistes et welfaristes peuvent quand même peuvent coopérer. Et donc, au sein des welfaristes, je fais la différence entre ce que j'ai appelé les welfaristes anti-abolitionnistes. Alors, bon, c'est pas idéal comme terme, enfin, au moins, c'est clair, enfin, j'ai pas trouvé mieux. Donc, c'est les welfaristes qui soit se déclarent anti-abolitionnistes, bon, ça c'est assez rare, mais c'est le cas par exemple de HSUS aux États-Unis, la Humane Society, qui rappelle à qui veut l'entendre qu'ils pensent qu'il n'y a aucun problème éthique avec le fait de tuer un animal pour se nourrir ou quoi. Voilà. Ou ça peut être des groupes qui se revendiquent pas anti-abolitionnistes, mais qui, de par leur discours ou de par leur activité, vont à l'encontre de l'abolition, en fait. Enfin, qui ont un discours, une activité qui n'est pas compatible avec l'abolition. Donc ça peut être le fait, par exemple, de promouvoir activement le bio, par exemple de dire, bon ben, le bio c'est bien pour vous, c'est bien pour les animaux, point barre. Et c'est très différent de dire, comme par exemple L214, qui est une association abolitionniste, voilà, l'idéal c'est d'abolir l'exploitation animale, c'est de devenir vegan, etc. Maintenant, si vous ne souhaitez pas faire ce pas-là, si vous n'êtes pas prêt à faire ce pas-là, alors mieux vaut consommer des œufs code 0 ou 1, etc. Donc c'est deux choses quand même différentes. Et une activité qui va à l'encontre de l'abolition, ça pourrait être, ben, par exemple, dans le cas d'un parti animaliste, de soutenir des lois subventionnant par exemple l'élevage bio, donc qui en fait renforce l'exploitation animale, quoi. Et à côté de ça, on a ce que j'ai appelé des welfaristes neutres, c'est-à-dire des groupes ou des individus qui ne sont pas abolitionnistes, enfin qui ont uniquement pour but de réformer l'exploitation animale, mais dont le discours et l'activité ne va pas, enfin est compatible avec un discours abolitionniste. Et au sein des abolitionnistes, on a d'un côté les abolitionnistes fondamentalistes. Alors Là, j'appelle ça comme ça, c'est pas péjoratif, c'est parce que c'est un terme qu'on retrouve dans la littérature anglo-saxonne, par exemple, qui considère que toute forme de réforme est mauvaise. Alors, le plus connu des fondamentalistes, ça va être Gary Francione, que tout le monde connaît plus ou moins, qui va dire, voilà, d'un point de vue éthique, si une pratique est jugée intrinsèquement mauvaise, alors le fait de la réformer ne la rend pas acceptable pour autant. Et d'un point de vue pratique, il argumente que les réformes, en fait, en améliorant les conditions des animaux, confortent les gens dans l'idée qu'il n'y a pas de problème avec l'exploitation animale. Et à côté de ça, on a les abolitionnistes réformistes qui, eux, donc, sont abolitionnistes, qui ont pour but à long terme l'abolition d'exploitation animale, mais qui pensent que pour y arriver, il faut commencer par réformer cette exploitation pour petit à petit inscrire les animaux dans la sphère de considération éthique et politique. Donc concrètement, ben, politique, c'est-à-dire déjà faire prendre conscience aux politiques et à la société que la question animale est une question politique, et en amenant en fait les politiques à traiter de ces sujets-là de plus en plus, on pourra petit à petit introduire des revendications plus radicales. Et ça se double d'un argument éthique. Ça, c'est vraiment David Chauvet qui l'écrit dans un article. Il dit que ce que font les fondamentalistes, en fait, quelque part, c'est une prise d'otage. C'est-à-dire qu'ils vont dire on va refuser d'aider les milliards d'animaux qui souffrent dans les abattoirs ou dans les élevages pour mieux, un jour, hypothétiquement, abolir l'exploitation animale. Voilà. Et alors, d'un point de vue encore plus pratique, ça, c'est Martin Balourd dont je parlais tout à l'heure, qui dit ça. Les réformes. En réglementant l'exploitation animale de façon de plus en plus stricte, affaiblissent en fait les industries animales petit à petit, parce qu'en rendant les coûts de production plus importants, etc. Voilà. Et donc, oui, et les fondamentalistes, en fait, de fait, se retirent d'une démarche politique, je pense. Enfin, en tout cas, d'une démarche réellement politique. Et si on veut réellement agir en politique, il faut comprendre qu'il faut qu'on passe d'abord par des réformes, et qu'il est absolument souhaitable que tous les groupes coopèrent. Et par exemple, bon, les welfaristes anti-abolitionnistes, donc ça sera pas pour des abolitionnistes, ça sera pas possible de coopérer sur des campagnes où ils font l'apologie, par exemple, du bio, mais ça sera parfaitement possible de coopérer sur certaines campagnes, comme l'abolition de la corrida. Je pense qu'aucune association, même la plus modérée, ne se positionne pas pour l'abolition de la corrida. Donc voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais parler d'abord de l'historique des mouvements dans ces pays-là, voir comment ces mouvements-là se sont structurés, qu'est-ce qu'ils ont obtenu et comment, et après parler de la politisation en France. Donc, dans les trois pays, donc France, Autriche et Pays-Bas, on retrouve une première association qui se crée au XIXe siècle. Sur le modèle de la RSPCA anglaise. Donc en France, par exemple, c'est la SPA. Et alors aux Pays-Bas, le mouvement animaliste en tant que tel se structure réellement dans les années 70. Et principalement par réaction au manque perçu d'intérêt de Dieren Bescherming, donc qui est l'équivalent de la SPA en France, à se pencher sur le sort des animaux de ferme, parce que c'était une association qui se focalisait sur les animaux de compagnie, éventuellement les animaux d'exploitation, mais très peu sur les animaux de ferme. Et ce, à un moment où l'élevage intensif était en pleine expansion. Et le mouvement a commencé à se politiser réellement dans les années 90, à développer des stratégies politiques, à faire du lobbying, etc. Ce qui a débouché sur la création du Parti pour les animaux en 2002, qui s'est présenté aux élections à partir de 2003 et a obtenu donc deux élus à l'équivalent de notre Assemblée nationale, et un élu, donc deux sur 150, et un élu, enfin, un sénateur au Sénat sur 75. Et donc ce en 2006 et encore en 2010 et en 2012. Et à côté de ça, on a la Coalition pour les animaux qui s'est créée en 2006, qui regroupe une vingtaine d'associations, principalement welfaristes, et dont l'objet est l'action politique. Et donc, ils font du lobbying traditionnel, ils rédigent des communiqués de presse ou des lettres ouvertes signées par toutes les associations de la coalition. Mais ils ont aussi un rôle d'expertise et de conseil. Donc, par exemple, ils vont aider les partis qui le souhaitent à rédiger leur programme en matière de protection animale, ou aider les politiques, les députés sympathisants à rédiger des propositions de loi favorables aux animaux, etc. Voilà, alors en Autriche, le mouvement s'est réellement structuré à la fin des années 80, début 90, et a commencé à se politiser au début des années 2000. Et en fait, Balour explique que quand il a créé VGT, qui est l'association qui a été un peu la locomotive du mouvement par la suite en Autriche, et donc c'était le moment où le mouvement commençait vraiment à émerger, où il y avait les premières associations abolitionnistes qui se créaient, etc., ils se sont rendus compte que, il n'y avait pas assez d'intérêt dans la population autrichienne pour la question animale, que ce n'était pas vraiment une question de société, que les gens n'étaient pas assez informés, pas assez sensibilisés, et que dans ces conditions-là, ils arriveraient à rien politiquement. Et donc là, je reviens à ce que je disais au début, je disais la perspective de changement des mentalités n'est pas suffisante seule, mais c'est pareil pour la perspective politique. C'est-à-dire que si il faut changer les mentalités pour pouvoir agir politiquement, parce qu'il faut qu'il y ait un soutien populaire et une demande populaire pour des réformes. Ce qui est bien évident que des politiques ne vont pas se mettre à dos de gros lobbies si derrière ils n'ont pas un intérêt à le faire et qu'ils n'en ressortent pas gagnants en termes électoraux ou autres. Voilà, et donc il explique qu'au début, fin 90, début années 2000, ils ont senti qu'il y avait un réel changement, que ça commençait à payer sa stratégie de. Ah oui, non, pardon, oui. Donc ce que je veux dire, c'est que du coup, ils se sont focalisés dans les années 90 sur l'information, la sensibilisation du public, etc. Et ils ont un peu délaissé l'action politique. Et donc, au bout d'une dizaine d'années, ils se sont rendus compte que ça commençait à payer, ça commençait vraiment à devenir un sujet de société, que le discours majoritaire dans les médias devenait plus positif, qu'il y avait de réels débats sur la question, et qu'à partir de là, ça valait le coup de commencer à vraiment s'intéresser à des stratégies politiques. Et c'est à partir de là qu'ils ont obtenu tout un tas de réformes assez impressionnantes que je détaillerai plus tard. Voilà. Et alors, il y a un parti animaliste en Autriche qui s'est créé en 2008. Mais qui est resté assez anecdotique parce que, bon, déjà, le type qui a créé le parti on n'a pas avisé le mouvement et donc il n'y a pas eu de soutien dans le mouvement. Ensuite, il y a eu des dissensions internes. Enfin, voilà, donc en gros, il a vivoté 2 ans et après, il s'est un peu effondré tout seul. Voilà. Alors, au niveau de la structure du mouvement, aux Pays-Bas, en fait, je me suis rendu compte que le paysage animaliste était dominé largement par les welfaristes. Et en fait, ça s'explique par le fait de la bureaucratisation du mouvement. C'est-à-dire qu'on a un mouvement qui est très bureaucratisé, avec enfin, principalement de grosses structures qui ont toute une machinerie administrative, qui ont des employés, qui ont beaucoup de fonds, etc. Et ça, en fait, ça s'explique par le fait que, il semble qu'il y a un soutien beaucoup plus fort dans la population néerlandaise pour le mouvement que, par exemple, chez nous. Et alors ça, c'est ce qui ressortait au travers des interviews. Bon, ça peut être assez subjectif, mais quelque chose de plus objectivable, c'est quand on regarde le nombre d'adhérents dans des associations animalistes, et là je parle uniquement animalistes, hein, pas écologistes, il y a plus d'1 million d'adhérents d'associations animalistes aux Pays-Bas, sachant qu'il y a 16 millions d'habitants, donc c'est une personne sur 16, en gros, qui est adhérente à une association animaliste, donc c'est assez énorme. Et donc ça explique qu'on a ces grosses structures qui ont plus de fonds que chez nous. Voilà, et en fait, une des caractéristiques de la bureaucratisation dans les mouvements sociaux, c'est que ça tend à faire que les organisations vont s'auto-modérer, en fait, en quelque sorte, s'auto-censurer. Parce que ben, quand vous avez des dépenses courantes, quand vous avez des campagnes en cours qu'il faut continuer à financer, quand vous avez des employés à payer, quand vous avez des locaux, etc., il faut. Bah, assurer en fait les rentrées de fonds, quoi. Et donc ça tend à faire que les organisations vont pas vouloir froisser peut-être certains de leurs adhérents, etc. Et donc vont s'automodérer. Et parfois il y a une logique un peu entrepreneuriale qui se crée. On va chercher à ratisser plus large pour avoir plus d'adhérents. Et donc on va du coup encore se modérer un peu plus. Donc c'est ce qui explique cette dominante welfariste. Et en fait c'est pas tant qu'il y a moins d'abolitionnistes que chez nous, c'est plutôt qu'ils ont plus de mal en fait à se faire entendre. Par rapport à de grosses structures qui ont les moyens de faire de grosses campagnes, etc., qui ont un impact beaucoup plus gros, quoi. Voilà, en Autriche, la structure du mouvement est plus proche du mouvement français. Donc, on a quelques grosses associations welfaristes, comme nous, on a la SPA, 30 millions d'amis, etc. Et on a quelques associations abolitionnistes de terrain. Mais ce qui est frappant, c'est qu'il y a beaucoup plus de cohésion et de coopération entre les différents groupes, en fait. Et je pense que l'unité du mouvement, ça a été une des principales raisons de leur succès là-bas. Et c'est ce que aussi les interviewés me disaient clairement. Alors ça s'est fait dans un premier temps, VGT, donc qui est l'association dont je parlais, qui a été un peu la locomotive du mouvement. VGT. Alors c'est Verein gegen Tierfabriken, enfin bon, t'as peut-être pas envie de dire. Et donc cette association a organisé en 2002 la première conférence unitaire sur les droits des animaux, où en fait ils ont réuni quasiment toute la composante abolitionniste du mouvement, bon, en tout cas les abolitionnistes réformistes, on va dire. Et ils ont commencé à comment à ils ont réussi à rallier en fait toute cette partie du mouvement à eux et à développer une stratégie politique commune. Voilà. Et en fait, ils ont réussi par la suite à s'assurer du soutien des gros groupes welfaristes. Et ça a été quelque chose qui est très important à deux égards. C'est que déjà, ce que m'expliquaient mes interviewés, c'est que bon, quand vous allez faire du lobbying politique, quand vous approchez certains politiques, même des politiques qui peuvent être sympathisants, qui peuvent partager certaines de vos idées, ils peuvent pas. Enfin, des fois, ils sont réticents à ce que leur image soit associée à de petits groupes qui sont pas très connus, qui peuvent être perçus comme un peu radicaux, etc. Et donc, c'est très important d'avoir le soutien de grosses associations que tout le monde connaît, qui sont rassurantes, etc. Ça met en confiance, on va dire, les politiques. Et même plus largement, c'est aussi vrai pour les médias, etc. Par exemple, ce que VGT a souvent fait, c'est quand ils allaient filmer dans les élevages. Quand ils allaient filmer dans les élevages, parfois ils libéraient certains animaux, quoi, enfin quelques animaux, symboliquement. Alors bon, ils faisaient pas ça en mode ALF, hein, donc ils y allaient à visage découvert avec les médias qui étaient là. Voilà, mais c'est quelque chose qui peut être perçu comme un peu radical, et donc là encore, c'est important de qu'ils soient associés à des noms que tout le monde connaît, qui sont rassurants, etc. Et il y a eu un autre effet positif, c'est que cette coopération-là a amené certains groupes welfaristes à se radicaliser petit à petit. Et donc, par exemple, chaque année, VGT et la Vegan Society autrichienne organisent un festival qui s'appelle la Vegan Mania, qui est un peu comme notre Vegfest, mais qui se passe dans une quinzaine de villes à travers le pays. Et ils ont toujours invité tous les groupes, y compris les groupes qui n'étaient pas du tout dans la promotion du véganisme, donc les groupes les plus modérés, à venir présenter leur association, faire des stands, etc. Mais en leur disant clairement: tout ce que vous mettez, les tracts, etc., vos discours, doit être compatible avec une vision abolitionniste. Donc, si vous avez des tracts qui font la promotion de l'élevage bio, enfin, l'apologie de l'élevage bio, par exemple, vous les enlevez, quoi. Et du coup, cette coopération-là, donc ça, c'est qu'un exemple, mais voilà, a amené certains groupes à se radicaliser. C'est ce qui fait que maintenant, des associations qui étaient très modérées à la base, quand elles viennent à la Vegan Mania, viennent avec des tracts qui sont très critiques à l'égard de la viande, qui font la promotion du végétarisme, du véganisme, etc. Voilà. Et alors ça, cette unité du mouvement, elle est incarnée par une coalition d'associations, mais qui, pour le coup, contrairement aux Pays-Bas, regroupe toutes les principales associations du pays, y compris donc welfaristes ou abolitionnistes. Voilà. Alors au niveau des stratégies du mouvement autrichien, ils ont adopté une stratégie qui était très confrontationnelle. En fait, ils se sont rendus compte que EVP, qui est le parti principal de droite en Autriche, était le parti qui était le plus radicalement opposé à leurs idées. Parce que, ben, historiquement, c'est un parti qui est principalement composé de chasseurs, d'éleveurs, etc., qui est très attaché au monde rural. Voilà. Et par exemple, ils ont obtenu de tous les partis, qui créent un poste de porte-parole dédié à la cause animale. Et le seul parti à avoir refusé de faire ça, c'était donc ce parti de droite. Et voilà, c'était le seul parti qui systématiquement s'opposait à leur proposition. Et du coup, ils ont pris ce parti-là pour cible, et ils ont joué sur l'aspect politicien des autres partis, en amenant en fait tous les autres partis à se positionner avec eux contre le parti conservateur. Et donc c'est comme ça que, par exemple, le Parti social-démocrate, qui est le parti principal de gauche, a plusieurs fois fait des communiqués de presse où il disait: nous soutenons les idées des animalistes, etc., les propositions des animalistes, contrairement au parti conservateur, etc. Voilà, donc ils ont amené les autres partis à réaliser que c'était une opportunité pour eux de gagner des électeurs par opposition au parti conservateur. Et donc ils ont fait ça à travers, ben, en fait, le harcèlement des conservateurs, donc sur tous les fronts. Donc ils ont fait un siège des locaux du parti, ils ont perturbé leurs meetings électoraux, des émissions de télé en direct où ils arrivaient avec où des membres du parti étaient interviewés, donc ils arrivaient avec des banderoles, etc. Des communications dans les médias où ils dénonçaient le parti conservateur, voilà. Et en fait, à travers cette omniprésence médiatique, ils ont réussi à faire de la question animale un véritable enjeu politique. Et ils en sont arrivés à vraiment, enfin, clairement faire perdre des élections aux conservateurs, quoi. Et par exemple, dans une région, juste avant les élections, ils avaient perturbé un meeting donc des conservateurs. Et ça s'est terminé avec certains candidats du parti qui s'en sont pris physiquement aux militants. Et donc, ce qui a fait la une de tous les journaux. Et alors que le parti était censé, enfin, selon tous les sondages avant ça, était censé largement gagner les élections, ben, ils les ont perdues et de loin, quoi. Voilà. Et donc, Balourd écrit que, à un moment donné, plus aucun parti pouvait se permettre, en fait, d'être vu comme anti-animaux, quoi. Et c'est comme ça qu'ils ont, quand l'abolition des cages pour les poules pondeuses a été votée au Parlement, ça l'a été à l'unanimité totale. Et ça a été la première grosse victoire qu'ils ont eue. Et à partir de là, en fait, ils ont vraiment ouvert la voie à tout le reste, quoi. Et c'est comme ça qu'ils ont eu tout un tas de réformes qui sont passées en 2-3 ans, quoi. Voilà. Autrement, bah, ils ont travaillé avec des politiques sympathisants. Et par exemple, donc, ce que m'expliquaient mes interviewés, c'est que c'était vraiment important d'avoir ces politiques-là qui pouvaient leur apporter des informations d'insider, en quelque sorte. Par exemple, sur les rapports de force au sein de certains partis ou les lobbies qui étaient peut-être plus infiltrés dans certains partis que d'autres. Enfin, voilà, des choses qui sont pas qui n'est pas facile de savoir autrement, quoi, qu'en étant dans la sphère politique. Et parmi ces politiques sympathisants, il y avait principalement des Verts. Et en fait, dans les trois pays, que ce soit la France, les Pays-Bas ou l'Autriche, c'est vraiment le seul pays, en fait, où les Verts ont été, du début à la fin, ont clairement soutenu le mouvement animaliste, à tel point que quand, en 2008, bon, je pense que vous savez tous qu'il y a eu un gros mouvement de répression en 2008 avec des gens qui ont été emprisonnés, etc., dont Martin Balourd, et ben, les Verts ont proposé à Martin Balourd d'être un de leurs candidats aux élections, alors qu'il était en prison, pour officialiser symboliquement leur soutien au mouvement, quoi. Voilà, Balourd explique aussi que dès le départ, ils avaient le soutien d'une douzaine de journalistes sympathisants, et qu'en fait, à travers eux, ils ont réussi à faire de la question animale une vraie question, enfin, médiatique, et créer un intérêt médiatique à travers ces journalistes sympathisants-là. Et donc, ils se sont organisés pour sans cesse renouveler leur type d'action, etc., pour conserver l'intérêt des médias, quoi. Voilà, alors en termes de victoire, ils ont obtenu l'interdiction des cages pour les poules pondeuses, pareil pour les lapins, des animaux sauvages dans les cirques, de l'expérimentation sur les primates, du commerce de chiens et chats vivants, de l'euthanasie dans les refuges, la production de fourrure, les cages de gestation pour les truies. Ils ont obtenu que parce que l'Autriche est un État fédéral, donc vous avez plusieurs länder, et dans chaque länder maintenant doit avoir un avocat des animaux. Qui en fait peut poursuivre les individus et les entreprises au nom des animaux. Et enfin, ils ont obtenu la reconnaissance dans la Constitution, à côté des droits de l'homme, de l'importance de protéger les animaux. Et donc, je vais vous lire la phrase, que je la trouve. Voilà, donc la phrase qui a été mise dans la Constitution, c'est l'État protège la vie et le bien-être des animaux en raison de la responsabilité spéciale de l'humanité au regard des animaux en tant que leurs semblables. Donc c'est quelque chose qui est quand même symboliquement assez fort, ouais, et qui pourrait éventuellement permettre un jour d'attaquer certaines lois comme anticonstitutionnelles. Donc c'est quand même assez important, quoi. Voilà. Alors maintenant j'en viens aux Pays-Bas. Ouais. Pardon. Ouais. Bah apparemment, ouais. Non mais voilà, la loi. Oui, a priori, oui. Ouais. C'est bon? Ok, donc maintenant j'en viens aux Pays-Bas. Et donc, bon, là je ne peux pas reprendre tous les points dont je parle dans le bouquin. Donc là je vais me focaliser sur le parti pour les animaux. Donc c'est un parti qui se veut ni de gauche ni de droite, mais qui de fait est quand même plus à gauche dans sa façon de voter, etc. Et les cadres du parti que j'ai interviewé vont se considérer plus à gauche. Et c'est un parti qui officiellement se positionne comme welfariste, donc il ne se déclare pas abolitionniste. Mais apparemment en interne, voilà, c'est clair qu'ils sont abolitionnistes, donc abolitionnistes réformistes. Voilà, les cadres du parti disent clairement, voilà, nous, la politique du parti, c'est que jamais on ne votera de loi favorisant ou, par exemple, subventionnant l'élevage bio ou des choses comme ça, quoi. Voilà, mais par stratégie, ils ne se définissent pas en tant qu'abolitionnistes pour peut-être avoir plus de votants, enfin, pour avoir un soutien plus large, quoi. Voilà. Alors, de façon générale, le mouvement néerlandais a beaucoup, beaucoup fait usage des célébrités. Alors, c'est un peu le cas en Autriche, mais moins. Donc, le parti a fait de même. Au départ, quand ils ont créé le parti en 2002, apparemment, bon, beaucoup de gens étaient sceptiques. Dans la population en général, les gens pensaient que ce n'était pas une question politique, ce n'était pas une question qui méritait réellement d'être représentée au Parlement sous forme d'un parti dédié vraiment aux animaux. Et même au sein du mouvement, en fait, il y avait très peu de soutien parce que beaucoup de groupes avaient peur que ça décrédibilise le mouvement, que si le parti ne réussissait pas, quoi. Enfin, voilà. Et du coup, pour se donner une certaine légitimité, une certaine crédibilité, ils ont fait appel à de nombreuses personnalités intellectuelles néerlandaises. En fait, ils les ont mis sur leur liste de candidats. Mais à la fin, donc bien sûr, ils n'avaient aucune chance d'être élus, mais symboliquement, ça démontrait leur soutien, quoi. Apparemment, ça a eu un gros impact et ils ont eu beaucoup plus de couverture médiatique que ce qu'ils pouvaient espérer. Enfin, voilà, ça a eu un impact très positif. Par rapport aux deux questions dont je parlais au départ, donc qu'est-ce qui a été la raison du succès du parti? Parce qu'on verra après qu'en effet, il y a eu quand même un impact. Quand le parti s'est présenté pour la première fois en 2003 aux élections, ils n'ont pas obtenu d'élu parce que bon, ils avaient pas eu le temps vraiment parce qu'ils sont créés juste avant, donc ils n'ont pas eu le temps de faire une vraie bonne campagne, etc. Donc ils ne sont pas rentrés au Parlement. Et en fait, leur entrée dans la compétition électorale a permis de faire que certains partis ont adapté leur discours par rapport aux animaux, donc essayer de prendre des positions un peu plus favorables, etc. Mais quand on examine en fait leur comportement de vote au Parlement, ça n'a absolument rien changé. C'était juste en parole, mais en acte, ça n'a rien changé. Alors que par contre, dès que le parti est rentré au Parlement, là, on a un changement radical de plusieurs partis qui ont vraiment changé de ligne politique sur la question animale, quoi. Et c'est en particulier le cas des Verts, la gauche verte, qui, étonnamment, en fait, bon, on pourrait penser que c'est le parti qui est le plus proche de nos idées, mais quand on regarde en fait leur comportement de vote avant l'entrée du Parti pour les animaux au Parlement, les Verts étaient le parti qui votait le moins favorablement en fait pour les animaux, quoi. Et dès que le Parti pour les animaux est rentré au Parlement, les Verts sont devenus le parti juste après le plus favorable aux animaux. Donc probablement parce qu'ils ont senti que leur électorat était peut-être plus menacé par le Parti pour les animaux. Voilà. Et donc ça peut peut-être s'expliquer le fait que simplement le fait de rentrer dans la compétition électorale mais sans rentrer au Parlement n'ait pas eu un réel impact sur les actes, peut-être s'expliquer du fait que les autres partis ne le voyaient pas comme une réelle menace parce qu'ils n'étaient pas capables de les concurrencer sur le terrain, quoi. Alors qu'à partir du moment où ils sont rentrés au Parlement, qu'ils ont démontré qu'ils étaient capables d'avoir une activité importante au Parlement, ils ont directement concurrencé les autres partis et à partir de là, les votants pouvaient voir que ça valait le coup de voter pour ce parti-là, quoi. Et donc, ça devenait plus dangereux pour les autres partis. Voilà, donc clairement, le parti a réussi à obliger le gouvernement à rendre des comptes, donc à travers par exemple les questions parlementaires qu'il déposait au Parlement. Ils ont obligé les politiques à traiter de certaines questions qu'ils préféraient peut-être ignorer auparavant. Et ça a permis d'exposer des faits, de créer des débats dans la sphère politique, mais qui ont débordé en fait en dehors de la sphère politique. Par exemple, à un moment, les députés animalistes ont déposé une question parlementaire où ils exposaient les conséquences écologiques de l'élevage. Donc, première source d'émissions de gaz à effet de serre, pollution des eaux, déforestation, etc. Et le gouvernement a nié en bloc en disant que c'était n'importe quoi. Enfin, voilà. Du coup, le parti, à travers son bureau scientifique, a élaboré un film qui s'appelle Meet the Truth. Il y en a peut-être qui l'ont déjà vu. Meet the Truth. Genre Meat, MEAT, quoi, c'est un jeu de mots avec la viande. Voilà, qui parle de cette question-là et qui a été projeté devant les parlementaires et qui a eu un certain succès national et international dans les festivals, etc. Et donc ça a fait réagir le gouvernement qui s'est entêté, qui a dit que c'était que de la propagande, que c'était n'importe quoi, etc. Et du coup, le gouvernement a a commandé un rapport indépendant sur la question. Et en fait, tout ce qu'a fait le rapport, c'est confirmer ce que disaient les animalistes, quoi. Et donc, ça a eu un triple effet, c'est que ça a un peu ridiculisé le gouvernement. Donc après, ils ont été un peu obligés de peut-être d'être plus, de soutenir peut-être plus des propositions du parti, dans une certaine mesure. Ça a permis de crédibiliser le parti et ça a permis de médiatiser vraiment cette question et d'informer très largement le public. Et ça, c'est quelque chose qu'un parti en dehors du Parlement n'aurait pas forcément pu faire, parce que déjà, à la base, un parti qui n'aurait pas été au Parlement et qui aurait interpellé le gouvernement sur cette question, déjà, il n'aurait pas eu de réponse à la base. Et le fait que ça a eu tant de retentissement médiatique, c'est parce que ça se passait au Parlement, quoi, hein. Et un autre exemple, c'est le parti, à un moment, a fait une proposition de loi pour interdire l'abattage des animaux sans étourdissement. Et donc, c'est quelque chose qui a beaucoup divisé au sein du Parlement, les partis entre eux, mais aussi au sein des partis, et même au sein du gouvernement. Parce qu'à l'époque, il y avait un gouvernement de coalition entre trois partis, les chrétiens démocrates, le parti libéral, le parti principal de droite, et un parti d'extrême droite. Et en fait, le parti d'extrême droite, bien sûr, a soutenu la proposition du parti pour les animaux, bon, pas pour les mêmes raisons, mais voilà. Mais donc, du coup, ça a mis en danger la coalition au gouvernement, parce que ça a failli casser la coalition, quoi, entre les deux autres partis de droite et le parti d'extrême droite. Voilà, et donc, tout ça a fait que ça c'est devenu un gros sujet médiatique et politique, et qu'apparemment, ça a été un des débats politiques les plus importants de ces dernières années aux Pays-Bas, quoi. Et donc, pendant des semaines, il y a eu énormément de dossiers dans les médias, d'émissions, de débats télévisés, radio, etc., avec de vraiment bonnes discussions où voilà, on discutait de comment on met dans la balance les intérêts des animaux et les intérêts des personnes religieuses qui sont protégées par la Constitution, etc. Voilà. Et donc là encore, bah, c'est quelque chose qu'un parti en dehors du Parlement n'aurait pas pu faire. Voilà. Sinon, le fait d'être au Parlement, ça permet aussi aux partis parfois de négocier le soutien d'autres partis sur leurs propositions de loi. Parce que, étant donné que les Pays-Bas ont un système proportionnel, bon, chez nous, avec un système majoritaire, si le gouvernement veut faire passer une loi, il a une majorité absolue, à moins que ça soit vraiment une loi très controversée, il est quasiment sûr de la faire passer, quoi. Et on sait que l'opposition va quasiment systématiquement voter contre. Enfin, c'est assez polarisé, quoi. Alors que dans un système comme ça, il y a plein de petits partis, les partis au gouvernement ne votent pas forcément ensemble. Et du coup, très souvent, il y a des lois qui sont passées vraiment à une ou deux voix près. Et donc, malgré le fait que le Parti pour les animaux ait seulement deux députés, ça arrive souvent que des partis viennent négocier avec eux en leur disant « Voilà, vous soutenez notre proposition de loi sur peu importe, et nous, on soutiendra certaines de vos propositions en échange. » Voilà. Et sinon, le parti aussi se fait le relais des associations au Parlement. Donc, par exemple, si une association a besoin d'informations, par exemple, sur la ligne politique du gouvernement sur un certain sujet, ou s'ils veulent mettre la lumière sur un sujet, alors le parti peut déposer une question parlementaire ou peut mettre en valeur ce thème-là au Parlement, quoi. Voilà. Alors, en termes de succès concret, il n'y a pas encore eu de succès majeur. Mais je pense qu'on peut s'attendre à ce que dans un futur proche, on ait réellement des succès qui arrivent aux Pays-Bas, parce que le parti a réussi un peu à inverser le rapport de force sur la question animale. Parce que, par exemple, les chrétiens démocrates étaient le parti qui, traditionnellement, était le parti qui s'opposait le plus au mouvement, parce que, un peu comme le parti de droite autrichien, c'est un parti qui était principalement composé d'agriculteurs, etc., très attachés au monde rural, enfin voilà. Et c'était jusqu'à il n'y a pas longtemps le parti principal à droite. Et en tant que tel, ils ont été au gouvernement sans discontinuer de 1977 à 2012. Et comme ils étaient très attachés au thème de l'agriculture, ils faisaient toujours en sorte d'avoir le ministère de l'agriculture. Et donc ils bloquaient toute avancée dans ce domaine. Et ce parti, depuis une dizaine d'années, baisse en popularité considérablement. Et c'est comme ça que, en 2012, c'est la première fois qu'ils ne sont pas au gouvernement. Et à l'inverse, les partis qui ont changé leur ligne politique par rapport aux animaux et qui se sont mis à soutenir la plupart des propositions du Parti pour les animaux, Donc le parti des Verts, le parti socialiste néerlandais, qui est un parti qui est beaucoup plus à gauche que le parti socialiste français, ces partis-là montent depuis plusieurs années. Donc il y a des chances que le rapport de force s'inverse et qu'on voulait beaucoup plus de victoires dans un futur proche, quoi. Voilà. Néanmoins, ils ont quand même obtenu l'interdiction de la production de fourrure de la plupart des animaux. Dans l'accord de gouvernement en 2012 entre les sociodémocrates et le Parti libéral, on retrouve l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques. Et le Parti pour les animaux prévoit de représenter un projet de loi sur l'abattage rituel en 2014, parce que ce n'était pas passé la dernière fois. Et cette fois-ci, là, j'ai recontacté Ménat Abouvet et ils pensent réellement que ça va passer, parce que la plupart des partis qui s'y étaient opposés la première fois ont changé de ligne depuis. Pardon? Sur l'abattage rituel. Rituel, ouais. Sur les tours, enfin, l'abattage sans étourdissement, voilà. Voilà. Par contre, ouais, tous les interviewés étaient d'accord pour dire qu'il y a eu un réel impact dans la société sur la façon dont les gens considèrent la question animale, qu'il y a eu une prise de conscience de la dimension politique de la question. Et donc, en ça, ça a eu quand même une importance considérable. Voilà. Alors, sinon, au niveau du mouvement néerlandais en général, un peu plus largement, on retrouve des stratégies qui sont beaucoup moins basées sur la confrontation qu'en Autriche, plus sur le dialogue, la coopération, etc. Et le compromis. Et ça, je pense que ça s'explique par la culture néerlandaise, parce que bon, les Pays-Bas sont un pays qui s'est déchiré sur des questions religieuses, politiques, etc., dans son histoire, et qui du coup s'est construit sur une culture du compromis, de la négociation, etc. Et c'est ce qui explique aussi leur système politique proportionnel, où on n'a pas un groupe qui a une majorité, mais on a une multitude, enfin, toutes les opinions sont représentées, quoi, hein. Voilà. Alors, pour la situation en France, on part avec un handicap de départ. On a de gros lobbies, plus que dans les deux autres pays. Bon, en Autriche, ils ont quand même un lobby agricole qui est quand même assez fort, mais en France, je pense que c'est quand même plus fort. Alors, on a la Fédération nationale des chasseurs, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Enfin, on a des gros lobbies comme ça qui ont une influence très très forte. On a une culture humaniste anthropocentriste, dont parlait Yves hier. Et on est un mouvement qui est peu uni, par exemple comparé à l'Autriche, alors qu'en face, contrairement aux deux autres pays, on a nos opposants qui sont plus unis. C'est-à-dire qu'en Autriche, aux Pays-Bas, bon, l'industrie, enfin le lobby agricole ou le lobby pharmaceutique, etc., n'ont pas forcément grand-chose à voir entre eux, quoi, et ne coopèrent pas forcément. Alors qu'en France, on a par exemple le comité Noé qui regroupe tous les intérêts qui nous sont opposés et dont l'objet est clairement de s'opposer à nous. Enfin, c'est clairement dit. Alors après, bon, c'est dur de savoir quelle est l'étendue vraiment de l'influence du comité Noé, parce que c'est une structure qui est très opaque, car je ne veux pas non plus exagérer son influence. Le comité Noé. Ouais. Donc bon, c'est dur de savoir à quel point ils ont une réelle influence, mais voilà. Mais je pense que la situation commence à changer, parce qu'on se rend quand même compte, pour ceux qui militent depuis quelque temps, qu'il y a un changement qui s'opère, principalement dans les médias. Par exemple, le discours majoritaire commence à changer, à devenir plus positif. On a des articles. Il y a encore quelques années, dès qu'on parlait de nous dans les médias, c'était principalement pour nous ridiculiser. Maintenant, on commence à voir quand même des dossiers, des articles de fond, il y a de réelles discussions. Il y a une certaine élite intellectuelle et médiatique qui commence vraiment à s'emparer du sujet. On a des émissions vraiment intéressantes sur France Inter, France Culture. Enfin bon, il y a des choses qui commencent un peu à changer. On parlait des célébrités dans le cas néerlandais. Jusqu'à très récemment, il n'y avait quasiment aucune célébrité qui acceptait réellement de prendre position publiquement sur cette question-là, alors qu'on avait des célébrités qui soutenaient les associations peut-être financièrement ou qui faisaient part officieusement de leur soutien, mais qui ne souhaitaient pas déclarer officiellement ce soutien-là, quoi. Bon, là, en 2011, on avait eu Miss France, par exemple, qui d'ailleurs avait eu quelques problèmes à cause de ça, parce qu'elle prenait position pour les droits des animaux, etc. Plus récemment, on a eu Émeric Caron, chez Ruquier, qui, dès qu'il peut, essaye de ramener ce sujet-là. Enfin, voilà, donc bref, donc, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui commence un petit peu à changer. Et donc, on est probablement dans la phase dont Martin Balourd parlait en Autriche, où ils ont commencé à sentir que les choses changeaient et que c'était le moment d'agir politiquement. Donc, je pense que c'est une période qui devient propice à un début d'action politique, quoi. Voilà, alors pour ce qui est de créer un parti en France, on a vu que le succès du parti néerlandais a reposé principalement sur sa présence au Parlement. On sait que chez nous, c'est C'est irréaliste de penser qu'on pourrait avoir des élus au Parlement, donc on ne peut pas s'attendre à avoir le même impact qu'aux Pays-Bas. Néanmoins, ça permettrait de témoigner de la dimension politique de la question animale, donc ça aurait un rôle symbolique. Ça pourrait être une plateforme de communication qui pourrait être intéressante, parce qu'on pourrait peut-être atteindre le public plus largement, à travers l'envoi de documentation électorale, de l'espace télévisé, avant les élections, affichage public, etc. Peut-être une couverture médiatique plus importante. Et on pourrait éventuellement menacer l'électorat d'autres partis, probablement principalement les Verts, ce qui pourrait les pousser à prendre plus en considération les animaux. Maintenant, on a vu que tant qu'on ne rentre pas au Parlement, bah, ce n'est pas évident que ça se traduise réellement en actes. En plus, on a un inconvénient en France, c'est qu'un système majoritaire, ça renforce ce qu'on appelle le vote utile. Donc on risque d'obtenir encore moins de voix que le parti néerlandais. Le parti néerlandais, en gros, ça tourne autour de 2%. Il y a des chances qu'en France, on ait moins que ça. Alors, souvent, un argument pour un parti, c'est de dire oui, on pourrait attirer les abstentionnistes, enfin certains abstentionnistes. Mais étant donné que ça ne menacerait pas l'électorat d'autres partis, puisque ça serait des abstentionnistes, ça n'aurait pas d'effet réellement sur la ligne politique des autres partis. Ensuite, on a plusieurs obstacles. Bon, par exemple, on a le fait que pour se présenter aux élections présidentielles, il faut au moins 500 signatures d'élus. Et on sait que déjà des partis relativement importants ont beaucoup de mal à les obtenir. Alors un petit parti comme ça aurait quasiment aucune chance de les obtenir, quoi. Donc on aurait un impact moindre parce que l'élection présidentielle est aussi l'élection qui a le plus d'impact, enfin qui intéresse le plus les gens. Et au final, en fait, les seules élections qui seraient réellement intéressantes seraient les européennes. Parce que là, on a une dose de proportionnelle, et donc là, c'est pas totalement irréaliste de penser qu'on pourrait obtenir un ou deux élus au Parlement européen. Maintenant, un parti, ça nécessiterait des ressources financières et militantes, dont on manque déjà. Et il y a peut-être un risque aussi que ça crée plus de divisions dans le mouvement. Voilà, donc en fait, la question. On n'est pas sûr que ça soit vraiment payant de créer un parti en France. Donc, il faut se poser la question de savoir si ça justifierait l'investissement que ça demande, quoi. Par contre, l'exemple autrichien démontre que ce n'est pas un prérequis au succès politique, qu'il y a d'autres solutions. On voit que, bon, il n'y a pas de raison que les tactiques utilisées par les Autrichiens ne marchent pas chez nous, étant donné qu'on a un système politique qui est quand même plus proche. Bon, même s'ils ont un système qui est quand même, avec une dose de proportionnelle, c'est un peu différent, mais enfin, c'est beaucoup plus proche de nous que le système néerlandais. Et comme je disais, la structure du mouvement est assez comparable. Voilà, donc on peut penser que s'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas chez nous. Maintenant, on a quand même une difficulté, c'est que la stratégie qui consiste à à prendre pour cible un parti et utiliser la dimension politicienne des autres partis pour les faire se retourner contre ce parti-là, ça serait plus difficile chez nous, étant donné que les deux seuls partis qui sont susceptibles d'accéder au pouvoir, donc le PS et l'UMP, sont radicalement opposés à nos idées, quoi. Ils sont complètement infiltrés par les gros lobbies, enfin voilà. Mais un système majoritaire, étant donné la polarisation que ça implique, ça laisse plus de jeu pour jouer, voilà, justement sur la dimension politicienne et monter les uns contre les autres que dans un système proportionnel comme aux Pays-Bas. Voilà, et je pense que c'est important d'insister sur le fait que l'exemple autrichien démontre que c'est vraiment important d'avoir un mouvement uni et des stratégies concertées, enfin une stratégie globale, quoi. Et aussi, c'est important d'entretenir des liens soutenus avec les politiques sympathisants qui peuvent se faire le relais des associations au Parlement et donc jouer un peu le rôle que joue le Parti pour les animaux aux Pays-Bas, quoi. Voilà. Alors, on a un besoin de renforcer la coopération et la concertation au sein du mouvement. Je pense que ça serait vraiment profitable de mettre en commun les ressources militantes et financières des différentes associations. Par exemple, des grosses associations, je parle la SPA ou la Fondation Bardot, etc., ont plus de ressources financières que, je sais pas, L214 ou Droits des animaux ou d'autres groupes comme ça. Mais ont peut-être moins de ressources militantes, peut-être mobilisées moins facilement. Et donc, ça, je pense qu'il y a une complémentarité qui est à chercher entre ces groupes-là. Voilà. Et je pense qu'un premier pas qui pourrait être intéressant, ça serait de créer une structure de lobbying commune. Déjà, ça demanderait moins d'investissement qu'un parti. Et bon, ben, nos adversaires s'organisent de cette façon-là. Donc on a la FNC, la FNSEA, l'Observatoire des cultures taurines, on a le comité de Noé. Voilà, donc il n'y a pas de raison qu'ils n'utilisent pas les mêmes armes qu'eux. Et alors, ça n'aurait pas besoin d'être une fédération, parce que ça, c'est quelque chose, dès qu'on parle de fédération, tout de suite, on a le holà de tout le monde dans le mouvement. Donc ça n'a pas besoin d'être aussi contraignant qu'une fédération, mais ça pourrait être une structure dont le rôle serait de faire le lien entre le monde associatif et le monde politique. Donc elle entretiendrait, elle créerait, elle entretiendrait des liens avec les politiques sympathisants, par exemple, et les mettrait directement en contact avec les associations. Donc par exemple, si on a un politique qui s'intéresse à un sujet précis et qui veut agir à ce niveau-là, la structure pourrait le rediriger directement vers l'association qui s'occupe de ce sujet-là, etc. Et ça permettrait, je pense, une plus grande réactivité du mouvement. Parce que ça permettrait de centraliser l'information et de mieux la redistribuer entre les différents groupes, parce que ça serait une structure qui serait en lien avec tous les groupes principaux du pays, quoi. Et par exemple, dans le cas d'un décret comme le décret qui était passé en 2011 sur la viande dans les cantines scolaires, un décret, c'est quelque chose qui prévient pas, c'est pas comme bon, une loi qui est votée au Parlement, etc. Avant, on le voit venir, on a le temps de s'organiser. Ça demande une réaction rapide, quoi, hein, et massive. Et ça, c'est quelque chose dont le mouvement n'avait pas vraiment été capable à l'époque, c'est-à-dire de s'organiser rapidement et de mobiliser rapidement pour répondre à cette situation-là. Et je pense que l'avantage d'une structure comme ça serait de justement pouvoir centraliser l'information, avoir déjà les contacts avec les politiques qui seraient prêts à agir là-dessus, et directement les mettre en contact avec les associations, etc. Et donc avoir une synergie plus grande, quoi. Voilà. Ensuite, on pourrait prendre l'exemple de la coalition dont je parlais tout à l'heure en Autriche, qui s'appelle VET, où en fait ce qu'ils ont fait, c'est que l'équipe de la coalition, aucun des membres ne sont membres d'une autre association. Et donc ça permet d'éviter les querelles entre associations, etc. Voilà. Bon, et alors bon. Juste quelques réflexions comme ça pour finir. Donc, je disais, on a besoin de renforcer, de mettre en commun, mais aussi de renforcer nos capacités financières et militantes. Et je pense que pour ça, c'est vraiment important que, parce que comme tous les mouvements sociaux ont besoin à la base de succès initiaux pour créer une dynamique vertueuse, en fait. Où, parce que quand on commence à avoir des succès, c'est plus facile de mobiliser autour de ça. Donc en termes de militants, mais aussi en termes de dons, etc. Et plus on a de ressources militantes et financières, plus on a de succès, etc. Et donc je pense que c'est important qu'on trouve des objectifs communs dans la cause et qui soient réalisables à court terme et qui donc bah forcément sont réformistes. Et voilà. Donc oui, je pense qu'on a vraiment besoin d'une action institutionnalisée et d'une action de terrain. Maintenant que je suis en Angleterre, je me rends compte que en Angleterre, il y a vraiment une opposition entre les groupes de terrain et les groupes plus institutionnalisés qui font du lobbying, etc., qui des fois, soit auprès des politiques, mais aussi auprès des industriels, les uns qui appellent les autres des vendus ou les autres qui appellent voilà, des extrémistes, etc. Et je trouve que ça, c'est complètement contre-productif parce que c'est pas se rendre compte que les deux sont complémentaires et nécessaires. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une action de terrain sans une activité de lobbying, etc. Enfin, on a beaucoup moins de chances que ça porte ses fruits. Et de même, c'est très difficile de faire du lobbying si derrière, il n'y a pas une pression sur le terrain. Parce que les politiques ont aussi besoin de pression pour se bouger et puis aussi pour justifier du fait qu'ils se penchent sur certaines questions, de justifier qu'il y a une demande populaire pour ça. Voilà. Et je pense que c'est important dans une logique, enfin dans une démarche politique, je pense que c'est important de savoir faire des concessions idéologiques, donc pour mieux coopérer au sein du mouvement, donc entre les différents groupes dont je parlais au début, et aussi en dehors. C'est-à-dire que par exemple, certains militants, moi le premier, on a du mal à accepter de prendre, enfin de mettre en avant des arguments instrumentaux par rapport, par exemple, bon, je sais pas, à la question écologique de l'élevage, parce que on a tendance à penser que bon, ça peut dévaloriser, enfin ça peut faire penser que l'argument éthique en soi est pas suffisant, etc. Mais je pense que dans une démarche politique, c'est important parce que ça permet de comme on l'a vu dans le cas néerlandais, ça a permis de se mettre, de mettre les Verts avec le parti. En Autriche, s'ils ont eu le succès, par exemple, s'ils ont eu le soutien aussi prononcé des Verts, c'est aussi parce qu'ils ont su mettre en avant les points communs, enfin les points qui peuvent rapprocher le mouvement animaliste et le mouvement écologiste, par exemple. Voilà. Voilà. C'est quoi déjà le nom? Oui, enfin, je vois ce que tu veux dire, ouais, mais juste. Ouais, peut-être. Ouais. Ouais. Après, bon, là c'est assez différent de l'idée. Bon, là, eux, ils font pas de lobbying, par exemple. Et après, je sais pas si vraiment. Est-ce que ça a vraiment renforcé la coopération dans le mouvement? Je pense pas. Ça, c'est juste une suggestion, mais c'est ce qu'ils ont fait en Autriche pour éviter que voilà, il y ait des querelles d'associations, etc. Qui ferait le lien entre les deux mondes, ouais. Et qui pourrait aussi. Oui, bah ça, bon, il y aurait forcément, oui, peut-être des réunions régulières, etc. Bien sûr, ouais. Mais ça serait surtout une activité de lobbying, etc. Ouais. Voilà. Oui, c'est le rôle symbolique dont je parlais. Oui, Voilà. Et je pense que c'est, enfin pour moi en tout cas en ce moment, vu que je pense que c'est très difficile d'espérer avoir une audience, enfin des membres qui puissent peser dans un parlement, en plus comme tu disais, la structure au parlement français n'est pas la même qu'aux Pays-Bas, même avec deux députés, on aurait très peu de poids. Central, parce que personne d'autre n'en parle avec nous, les animaux, spécificité, mais sur des bases de « on veut un progrès notable pour tous les animaux humains compris ». Donc, qu'ils soient progressistes au sens général partout. Je ne crois pas à l'unité, disant « on va mettre tout le monde ensemble, tout le monde va faire semblant d'être d'accord, etc. » Moi, je crois à l'unité dans le sens de même si on n'est pas d'accord, quand on peut travailler ensemble, on travaille exactement, ensemble. Exactement, oui, c'est pour ça en fait que je parlais tant de cette différence-là. Ouais. Bon, tant de... C'est pour ça que je parlais tant de ces différences-là, etc. Parce que je pense qu'en effet, il faut... Parce qu'en fait, si j'en parle, parce qu'il y a des... en fait, dans le mouvement, on retrouve deux types de personnes. Ceux qui vont dire, la question, tu sais, welfareiste, abolitionniste, etc., c'est fondamental, ils se focalisent là-dessus, et voilà. Et après, tu as les gens qui vont dire, au contraire, ah ben non, c'est pas important, faut pas en parler, ça va diviser, machin. Et je pense que c'est important d'en parler, de reconnaître nos différences, et de pour mieux voir comment on peut justement bosser ensemble. Et ça, c'est quelque chose que, par exemple, aux Pays-Bas, ça, c'est quelque chose qui m'a frappé, c'est quand je parlais avec les gens que j'ai interviewés, ils me disaient tous, ouais, aux Pays-Bas, c'est pas une vraie question, c'est une question welfareiste, machin, bon, on s'en fout. C'est une question qui est peu posée, quoi. Alors qu'en Autriche, c'est une question qui est clairement posée. Et par exemple, là, je parlais de la Vegan Mania, où ils disent clairement aux welfareistes, bon, si vous venez, mais les tracts que vous présentez, votre discours doit être compatible avec l'abolition, donc pas d'apologie du go, etc. Et en fait, complètement, voilà. Ouais. Voilà. Voilà. Alors que ce qu'on voit, c'est qu'aux Pays-Bas, eux qui ignorent un peu la question, etc., et d'ailleurs, il y a pas mal de... Je pense que ça, c'est aussi lié à la bureaucratisation et ce que je disais, qu'il y a des groupes qui sont déradicalisés, c'est qu'il y a des groupes qui, à l'origine, étaient abolitionnistes et qui, petit à petit, en fait, ont perdu cette revendication-là. Donc, c'est dur de savoir où ils se positionnent, on ne sait pas trop. Enfin, bon. Et du coup, on se rend compte qu'aux Pays-Bas, bah, en fait, il y a plus d'opposition, au final, entre les différents groupes qu'en Autriche. Et par exemple, il y a des groupes qui ont lancé des contre-campagnes quand certains groupes welfaristes avaient lancé des campagnes pour l'élevage bio ou comme ça, où ils allaient systématiquement suraffichés sur les affiches des groupes welfaristes en disant il n'y a pas la viande heureuse n'existe pas, etc. Enfin, et donc il y a des oppositions comme ça qui sont créées, qui sont un peu contre-productives. Alors qu'en Autriche, là où ils ont clairement reconnu cette question-là, ils en ont discuté et ils ont vu ce qu'ils pouvaient vraiment faire ensemble, sur quoi ils pouvaient coopérer, etc. Et bien là, il n'y a pas ce genre de problème, quoi. Donc je pense que, en effet, c'est vraiment important de reconnaître ces différences-là pour mieux comprendre comment on peut bosser ensemble, quoi. Et sur quoi. Juste pour terminer, enfin, je ne sais pas dans quelle mesure c'est faisable aujourd'hui, qui serait intéressé par ça. C'est sûr que moi, je ne le ferai pas seul, mais tel que je le vois, c'est une intervention déjà au niveau local, dans le sens qu'on pourrait avoir, bon, on peut difficilement espérer avoir des élus locaux, mais on peut avoir un discours sur ce qu'on ferait en tant qu'élus locaux, y compris dans une perspective antispéciste. On ne peut pas dire on va abolir de la viande sur le territoire de Lyon, par exemple, c'est pas possible. Mmh. On peut dire on va exiger qu'il y ait des menus végétaliens pour tout le monde. On va exiger que la ville de Lyon entre en dissidence par rapport au décret qui impose la viande sur les emplois, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites au niveau local, même si on ne peut pas obtenir la domicile. Mais dans une perspective de permanence antispéciste. Ouais. S'il y a des personnes intéressées, je vais peut-être en profiter pour rappeler, parce que je ne l'ai pas dit là, il y a déjà deux partis, hein, au moins, animalistes en France, le mouvement Homme Animaux Nature, mais qui est un peu anecdotique, enfin bon, ils n'ont aucun lien connu avec le mouvement, ils sont très peu actifs, enfin bon, on ne sait pas trop. Et plus récemment, il y a le MCPA, donc le Mouvement Citoyen pour la Protection Animale, qui s'est créé. Ben là, c'est bon, c'est un peu trop tôt pour dire ce que ça va donner, mais il y en a qui sont associés au MCPA ici ? Non ? MCPA. Ouais. Donc ça, je ne sais pas du tout où ça en est, ce que ça donne, mais... En France ? Ici, au niveau de l'association. Il n'y a pas d'association. Il n'y a pas d'association, ouais. Tu veux dire les estivales de l'Agriculture ? Vous organisez l'événement. Vous avez compris quelque chose qui vous fait dire pour nous c'est nouveau, donc je ne sais pas comment vous fonctionnez. Parce que là, vous échangez des idées, je pense qu'à la fin, il y aura quelques bonnes idées, et puis chacun va repartir. On travaille dans un groupe qui fait partie de nos adversaires après avoir travaillé dans une association universitaire. Ces gens réunissent un groupe de travail qui est 5-6 personnes qui vont collecter tout autour de toutes les informations qu'ils peuvent collecter, qui vont faire une synthèse, qui vont aller voir des étrangers, qui vont passer le temps avec les Autrichiens pour faire une synthèse avec eux, leur demander ce qu'ils pensent du problème français, faire une synthèse avec les Autrichiens sur la manière dont ils régleraient le problème français, et puis petit à petit avancer. Il y a plein de gens qui peuvent nous aider à l'extérieur, mais seul ce groupe peut les identifier. Ouais. Une école de commerce peut travailler. Il y a des étudiants qui font maintenant des propositions aux entreprises pour travailler en groupe de travail sur la stratégie de l'entreprise. Donc une école de commerce peut travailler sur nos problématiques, pour savoir comment nous pouvons communiquer. Si on ne passe pas par l'extérieur, on reste enfermé dans notre bulle avec nos convictions. À l'extérieur, on ne comprend pas. Non, complètement. Le grand groupe pour lequel je travaillais, passer par l'extérieur pour dire si on vous dit ça, est-ce que vous l'acceptez ? Toi, consommateur, si je te dis demain, tu n'as plus de viande, est-ce que tu l'acceptes ? Si je te dis ça va se passer en 10 ans sur cette seule forme, est-ce que tu l'acceptes ? Et ce groupe de travail a plein de pouvoir et informe régulièrement les adhérents ou les parties prenantes de ce qu'il fait. Mais il faut qu'il soit très petit et très mobile. Ouais. Ce qui permet effectivement d'aller voir tout le monde et de définir une stratégie qui présente ensuite le forum, enfin l'ensemble des. Bah là, ce que tu dis, je pense qu'en fait, c'est ce à quoi je pense quand je parle de la structure de lobbying commune. Oui, ça serait ça en fait. Ça serait le rôle. Ça serait le rôle d'un tel groupe, quoi, hein, de se faire le relais au sein du parti, et puis même, oui, d'aller... Et ce que tu dis, je pense que c'est important, parce que c'est pour ça, moi, à la base, que j'ai voulu écrire ce bouquin-là, parce que je me suis rendu compte, en fait, en allant en Angleterre, puis aussi après, quand je fais les interviews, etc., que dans les autres pays, en fait, les mouvements entre pays communiquent vachement plus que... Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que le mouvement français est assez isolé, en fait, et qu'on est moins au courant de ce qui se passe dans les autres pays, etc. Donc je pense que ce que tu dis... Je suis tombé dans un groupe international, j'ai beaucoup été aux États-Unis et dans les réunions européennes, les Français n'ont pas de méthode. Un Allemand, Hollandais, je suis désolé, un Américain, je peux vous dire que quand ils lancent une stratégie, au bout de 3 jours, vous savez où vous allez. Les Français ont plein de bonnes idées. Donc, au bout de 3 jours, ils savent pas où ils veulent aller. Et dans le groupe où je travaillais, le leadership était allemand et anglais, il n'a jamais été français. Parce que nous, Français, comme les Italiens, on a plein de bonnes idées, on est trop coopératifs. Alors que les Allemands, les Anglais, ils vont créer des petits groupes, ils ont totalement confiance dans ce groupe, et lui va faire avancer le thème. Mais on avance à 5-6, on n'avance pas à 100. À 100, dans une salle, on ne peut pas définir un module, on ne peut pas définir une stratégie, parce qu'on se met autour d'une table, il y en a qui prend des notes et on fait le mémo. Par contre, ces gens-là, on sont très coopératifs, c'est-à-dire qu'ils vont réunir toutes les parties prenantes régulièrement pour faire le premier mémo, et là on applaudit ou on conteste, et ensuite on fait une deuxième phase et on se réunit de nouveau. Et ça ne m'étonne pas qu'un mouvement anglais ou autrichien soit plus efficace parce que c'est mal dans la même chose. Et là, il y a vraiment à faire. Je suis sûr qu'en oubliant bien le message, il y a des centaines de milliers de Français qui suivront. Quand on fait des actions de voisinage devant mon petit copain passe, ça ne marche pas. Il y a vraiment une réflexion à avoir sur un message. Il y a un article dans Le Monde qui a annoncé la manifestation de Nîmes avec elle de 114. Ben, je suis venu. Je mets une pleine page dans Le Monde. Sinon, je ne serais pas là. C'est comme ça que j'ai connu avec 214, donc je vais sur le site. Donc il faut une action massive, mais qui va être réfléchie. Il y a peut-être quelqu'un qui peut nous aider, quelqu'un qui est riche, peut-être un groupe industriel, peut-être quelqu'un de fortuné. On a eu récemment, sur une idée toute simple, un industriel qui est prêt à financer des aventures en montagne, parce qu'il a des milliards à dépenser, pour créer des thèmes d'aventure à travers le pôle Nord, etc. Et s'il n'y a pas ce groupe qui explore toutes les possibilités, on va être enfermé dans notre bulle. Et je suis sûr qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui nous aideraient à partir du moment où le message est simple, il suffit d'un clic sur Facebook, etc. Et là, tout se met en route. Et peut-être que les Autrichiens sont même partants pour créer un module de ce type. Et je suis sûr qu'au niveau de la méthode, il y a plein de pays, les Allemands, les Anglais sont partants. Que ça va les intéresser. Et là, il y a vraiment à faire. Et pour gérer une association universitaire, il y a des centaines d'étudiants, on était 5-6 à la driver. Et c'est vrai que ça marchait très bien, parce qu'on savait ce qu'on voulait tous les 5-6. Dans les AG où il y a 300 personnes ou 500 personnes dans la salle, le message est plus fort. Je pense qu'il y a vraiment à faire respecter. Et là, la cause animale va avancer. Parce que tout le monde acceptera le message. Aujourd'hui, effectivement, il y a des marginaux, des originaux. Je suis sûr que mon voisin, si je m'en parle, il va me déranger. On est dans un patin de chasseurs, au contraire, ils vont sortir de fusil. Par contre, il y a moyen de rencontrer des chasseurs, ils vont l'accepter. Parce que j'ai dans mes anciens clients, j'ai des chasseurs, mais je me rendais compte qu'ils étaient très sensibles à la condition animale. Ils se justifiaient tous du fait qu'ils étaient chasseurs, mais qu'ils ne voulaient pas tuer. Ça m'a toujours sidéré de voir des chasseurs qui revendiquaient, nos voisins, revendiquaient le fait de jamais avoir tué un animal. Donc ça les chassait pour découvrir la nature. Vous voyez, il y a vraiment à faire évoluer les mentalités, mais en creusant ce message, en creusant la manière dont on les aborde. Je pense qu'il n'y a pas de monde à les voir. Enfin, nous, c'est important, c'est de créer un groupe de travail. Je pense qu'il y a des gens ici qui sont motivés, qui ont des relais. Il y a moyen très vite d'avancer sur ce point. pose un autre problème aussi par rapport à la représentativité neutre politique. C'est juste super compliqué. Je pense qu'il nous manque un peu de légitimité à agir sur ce plan-là, ou alors il peut y aller avec un projet qui est déjà bien bâti pour pouvoir prétendre justement à cette légitimité qu'on n'a pas de façon entre guillemets naturelle ou je ne sais pas quoi. Ouais. Si la démarche était inverse, si c'était des grosses affaires qui venaient écouter dans la FEDER, on a participé, on entend parler à la manifestation de Nîmes. Nous, on s'est retrouvés là, plus petit assaut dans ce boulon de grosses assauts. Franchement, c'est pas super à l'aise pour prendre la parole. On sentait bien qu'il y avait une différence, tout à fait normale, une différence d'expérience. Quand on parle des conflits entre assauts et tout ça, on arrive à travailler ensemble, mais on sent que l'équilibre est assez fragile. Ça fait vraiment envie, ces structures. Oui. Quelques personnes qui arrivent à propulser des idées, à essayer de faire un peu plus cohérent, mais franchement, ça me paraît vraiment compliqué encore aujourd'hui en France, même s'il y a des initiatives qui sont prises ponctuellement et qui arrivent à amener plusieurs associations sur un même point. C'est un projet vraiment de renouveler une structure de lobbying commune aussi. Oui, mais par exemple, dans l'histoire du décret qui a été abordé, si une structure comme ça avait été existante, nous, qu'est-ce qui s'est passé à l'ABF? C'est moi à l'époque qui ai contacté les autres assos avec les avocats. Voilà, on s'est dit, allez, au contact, plein d'assos humanitaires, tout y passait. Tout ce qui pouvait avoir un impact quelconque au fait qu'on a beaucoup de menus carnés tous les jours, dans les milieux scolaires. Donc ça fait beaucoup de monde à contacter, il y a eu des réponses, logique. Mais si ça avait été une structure indépendante qui avait contacté les autres associations, je pense que ça aurait plus d'impact que si c'était nous, petites assos, on s'est retrouvés à quelques petites assos, en fin de compte, à faire ce recours au Conseil d'État. Je pense vraiment que dans une situation comme ça, avoir une structure complètement indépendante et qui sait créer des liens avec les autres. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de querelle de chapelle, parce qu'on est très clair sur les objectifs. Et du coup, là, il y avait des chances que ça puisse plus fédérer les associations. Mais qui serait mis sur les faits quantiques? Qui? Tu parles de tout, mais est-ce que tu crois que la SPA aurait soutenu contre les... Pas forcément la SPA. Il y a plein d'autres... Ça pouvait être des choses plus écologiques, plus écologiques. Non, mais d'accord, ta structure de départ, elle est qui? Enfin, elle est quoi? Elle est neutre, mais elle regroupe qui? Enfin, je veux dire, c'est pas assez neutre. C'est justement reprendre... C'est ce qui s'est fait. Fait, En Autriche, mais. Voilà. Moi, ça me paraît, en tous les cas, je me dis que essayer, peut-être ça ne marchera pas. Parce que c'est vrai que le contexte français, on ne peut pas nier, il est très particulier au niveau de la multiplicité des associations. Ça ne peut pas bien le contraire. Mais, quand même, tout le monde vit la situation. Il y a des associations qui sont multiples. Attends, excuse-moi, j'ai perdu. Non seulement il y a multiplicité des associations, mais je pense que c'est le cas partout. Mais en plus, on est ridiculement tous pratiques. Oui, c'est ça ce que je veux dire. Mais en même temps, souvent, chacun veut garder ses prérogatives. Moi, je trouve ça séduisant, un truc comme ça. Après, peut-être ça ne marchera pas. Peut-être. Mais quelque part, j'ai envie de me dire, vu jusqu'ici, dans chaque domaine de combat, quand on voit les querelles de clochers dans chaque domaine de combat, moi, j'ai travaillé beaucoup à l'ABF avec Diana, qui est néo-zélandaise. Ça ne se passe pas comme ça, là-bas. Voilà, c'est typiquement français. Et donc, quelque part, j'ai envie de me dire, pourquoi pas essayer si, qu'est-ce qu'on a à perdre? Soit ça ne marchera pas. On aura essayé, ça n'aura pas marché. Mais peut-être que ça peut marcher. Alors, Animavi avait tenté quelque chose, mais Animavi, il y avait un frein, c'est qu'il y avait quelqu'un dans Animavi qui était dans un parti politique. Donc, déjà d'emblée, ça pouvait poser un souci. Là, si c'est une structure complètement indépendante, avec surtout des gens qui ne font pas partie de l'association, et ça, je crois que c'est du moins important. Reprenez l'exemple de Noé, c'est un agro-alimentaire qui va mandater quelques personnes pour réfléchir à compter toutes nos objections. Ils font exactement la même chose, il y a plein de groupes différents. Ils disent, tiens, on va payer 6 personnes parce qu'on n'aime rien les payer. Et ces 6 personnes, c'est le groupe que j'ai trouvé dans les sociétés où j'ai travaillé. Ces 5-6 personnes, elles vont nous monter le module de communication Et je peux vous dire que toutes les entreprises qui peuvent aller sur leur site internet, ils ont des images fabuleuses avec des fleurs, des papillons, etc. Donc ces gens savent faire, tout le monde sait faire. Il suffit de dire on va mandater des gens qui ont plein de pouvoir et qui ne décident pour personne, qui vont simplement réfléchir à nous soumettre des conclusions. Et la légitimité, ce n'est pas le nombre, c'est la revendication, c'est l'idée. La révolte arabe, c'était ça, c'est une idée, il y en a marre. Il y en a marre de la manière dont ça fonctionne. Et tout le monde se mobilise du jour au lendemain parce qu'on se rend compte que cette idée, la fédératrice, elle donne envie de bouger. Et je pense qu'on trouve la bonne idée, et les bons relais, il y a peut-être quelqu'un de riche qui a envie de mettre des peines franchement dans le monde. Il y a peut-être des déclics sur Facebook à initier, encore que j'aime pas Facebook parce que chacun met ses photos de. Le cas, etc. Je ne pense pas que ça soit le meilleur des relais. Il y a sûrement quelque chose à déterminer, mais ça se fera avec les gens qui posent toutes les options. Et après, ça marche pas. Mais juste un truc, pour revenir à ce que disait Brigitte, est-ce qu'il ne serait pas possible, parce que regarde, là on voit bien dans l'exemple autrichien, ils ont commencé avec la partie abolitionniste, et là ils ont mis tout le monde d'accord, et après ils sont allés démarcher les gros groupes. Et est-ce qu'il ne serait pas possible, moi je suis sûr que déjà DDA serait complètement pour, je pense, est-ce que ce serait pas possible déjà d'avoir déjà quelques groupes, de se mettre déjà d'accord là, et après, avec, ça donnerait déjà plus de légitimité, là on voit, donc vous c'est ABF, hein, c'est ça, ouais. Ouais. Donc déjà, bon... Il y a peut-être quelque chose à faire là au niveau de quelques groupes et après aller voir, ça sera déjà plus légitime si vous arrivez à plusieurs à dire voilà, on voudrait faire ça, est-ce que ça vous. Tu crois pas hein? Non. Parce que je pense que même la SPA, elle a tout à y gagner quoi. Enfin, la SPA ou n'importe qui quoi. Non, mais ah mais justement, là, tu vois, tout ce qui est Fondation Bardot, 30 millions d'amis, machin, eux, ils ont quand même des moyens, quoi. 30 millions d'amis, j'ai jamais vu sur une action commune avec d'autres assos. Non, mais est-ce qu'ils seraient... Non, est-ce la Fondation qu'il... Bardot, tu la mets dans un truc comme ça, et... Tu fais partie de tous les autres. Mais il faut essayer, on verra. Ah. Enfin, on a vraiment une difficulté en France par rapport à ça. Enfin, je ne veux pas parler des non, justement, je disais que je ne suis pas sûr que ça soit intéressant. Enfin, que ça peut être intéressant, mais est-ce que ça en vaut l'investissement? C'est ça la question. Ouais. C'est pour ça que du coup, je disais que le structure de lobbying serait quelque chose qui demanderait moins d'investissement et qui pourrait rapporter même peut-être plus. Quoi. Je voulais préciser un point, un groupe de travail n'a aucun pouvoir parce que ce sont des gens de second plan. C'est des jeunes cadres dans une entreprise. Le groupe de travail, ce n'est pas le PDG. Non, bien sûr, c'est tout l'opposé. Ouais. C'est pour ça que je disais que... Ils sont motivés par le thème et qu'ils se signalent en disant « Moi, ça m'intéresse, je voudrais plutôt faire la compta. Ouais. » Moi, ça m'intéresse, dans le second, je voudrais plutôt faire les synthèses. Je voulais pour les synthèses. Mais c'est tout un chacun. C'est surtout pas des gens qui ont une influence ou qui ont une dimension sur eux. C'est pour ça que je disais que... Ils sont formés par leurs relations, ils sont formés par leur expérience. Plus les gens sont jeunes, plus ils sont efficaces dans un groupe de travail parce qu'ils sont bien. Donc, ils vont poser des questions auxquelles on avait déjà des réponses, mais la manière de les poser vont amener d'autres réponses. Ouais. Et c'est pour ça aussi que je disais que. C'est des bénévoles, il suffit de trouver une simple. Ouais. C'est pour ça aussi que je disais que ça ne serait pas justement une fédération, parce que tu dis oui, ce n'est pas quelqu'un qui a forcément un pouvoir de décision. Machin. Et ça, je pense que c'est important, parce que ça c'est sûr qu'un projet de fédération, ça n'aurait aucune chance de faire quoi que ce soit, ça ne marchera jamais. Mais là, justement, ça n'engagerait les autres associations à rien, ou quasiment à rien, bon, à part peut-être à financer un peu ce truc-là, mais après, ça permettrait de faire le relais entre tout le monde et enfin, gagner vraiment en efficacité, je pense. Ouais. Au niveau européen, il y a Eurogroup pour un ouais. qui ressemble à une structure de lobby. Il y a des associations qui sont membres de cette association. Je ne sais pas si c'est une association, par exemple. Et ils jouent le rôle aussi de secrétariat du groupe protection animale au sein de l'Assemblée, du Parlement européen. Et ils jouent le rôle de secrétariat de l'ensemble des députés qui font partie du groupe de protection animale. Et donc eux c'est un groupe, c'est à nouveau, ils ont atteint un niveau énorme. Hein, c'est eux qui sont vraiment déjà qui font une veille juridique, qui ont les contacts avec la Commission européenne, toutes les initiatives qu'il y a au niveau de la protection animale, qui font redescendre au niveau association, donc ils ont une lettre d'info, ils ont une lettre électronique, etc. Et puis ils font des plénières, deux fois par an, comme ça, où j'ai eu la chance de pouvoir assister. C'est à Bruxelles, dans un amphithéâtre dans les institutions européennes, avec des traducteurs sur les côtés. Et puis, y a la Save Compassion Family, la SPCA, etc. Il y a des gens de la commission qui viennent s'exprimer devant l'ensemble des associations de protection animale. Moi, quand j'ai découvert ça, j'ai juste halluciné, parce que et la France est un des pays les moins représentés. Mmh. Pour être membre, il faut être une grosse association généraliste, il faut donner plusieurs milliers d'euros chaque année pour faire fonctionner la structure au niveau européen. Bon, concrètement, je ne sais pas comment ça a émergé. Il me semble que c'est des grosses associations comme Compassion Animal Farming, qui est depuis 1967, et en Angleterre, qui a énormément de membres, qui a un budget à mettre pour créer une genre de structure de lobby. Aujourd'hui, pour créer une structure de lobby, il faut énormément de moyens pour avoir ne serait-ce que des salariés. Sortir plusieurs milliers d'euros chaque mois rien pour financer je ne sais pas si tu es intéressé à ça et je ne sais pas si elle était vraiment au niveau parlement français d'un groupe de protection animale qui existe déjà. Il y a des groupes d'euromachines, il y a des groupes Au Parlement, oui, il y a un groupe protection animale. Ouais. Je crois que c'est Geneviève Gaillard qui est présidente. Ouais. Comme ça, c'est le groupe des parlementaires, mais pas ouais. Des associations qui seraient derrière. Parce que, il y a des associations qui seraient derrière. FDA, qui est un groupe d'experts qui donne des conseils, qui font du lobbying pour entre guillemets moi-même, enfin, pour leur structure. Le CRAC offre du lobbying pour sa structure. Enfin, il n'y a pas de coalition comme il y a au gouvernement. C'est vraiment une coalition d'assaut. Thank you. compris, là, il ne s'agit pas de travailler sur tout. Il s'agit d'avoir un groupe complètement indépendant qui va proposer, ils vont réfléchir et ils vont proposer un projet spécifique à la fois. Mais un à la fois. Et ce projet spécifique, il va ensuite présenter à toutes les associations. Alors, est-ce que ça vous plaît? Vous êtes partant? Oui, non. Et ce qui me semble très intéressant là-dedans, c'est que ce n'est pas une association qui propose à d'autres associations. Donc, du coup, ouvert, enfin, c'est complètement ouvert. Et puis, c'est vraiment un projet. C'est pas faire avancer toute la cause, parce que moi aussi, avant, j'étais très pro. Quand j'ai su pour Anima Vie, au début, j'étais très bien, il y a besoin, mais je ne savais pas au début qu'il y avait quelqu'un de politique dans le monde, bah, forcément. Nous, au niveau de la VF, on n'a pas pu s'engager à cause de ça, parce que le statut, on est apolitique. Donc, il y a des choses, mais là, si le fait que ce soit par projet, au pire, ça ne marche pas. Parce que ça ne marchera peut-être pas. Évidemment, on ne fait pas ça, ça va marcher. Mais peut-être ça peut marcher. Il y a eu des projets en France, par exemple, sur l'abolition de la chasse à peau. Il y a un site internet avec plein d'associations qui ont signé. Au départ, je pense que l'initiative est pour quelqu'un qui n'était pas identifié, associatif, qui a vraiment fait Rachi, tu vois, justement, donc il y a eu un bouquin. Il n'y a même pas ce que j'ai mis en avant. Il y a énormément d'associations qui ont signé, mais ça devient un site, il n'y a pas d'activité. Il y a eu éventuellement un courrier qui a été envoyé une fois au gouvernement qui répond ou qui ne répond pas. Voilà. Et il y a eu d'autres initiatives comme ça sur la Corrida, il y a un collectif contre la Corrida. Ça va, justement, il y a par rapport au livre, comme tu as vu un peu en affiche tout ça, j'ai l'impression qu'ici en France, combien il y a de personnes en France qui travaillent dans la protection animale? Combien il y a de postes, concrètement, au-delà des idéologies, etc. Combien il y a de gens qui travaillent, qui sont investis à plein temps dans la protection animale? Alors, je ne sais pas en Autriche si c'est différent et tout ça, mais quand Martin m'a lu, je lui ai entendu un petit peu, puis deux histoires, je ne sais pas là, mais on m'a rapporté qu'en gros, en Autriche, il y avait plus d'une action par jour en moyenne dans l'année. Plus d'une action par jour en moyenne dans l'année, il y en avait peut-être, c'était énorme, il y avait genre trois actions par jour en moyenne sur l'Autriche. En Angleterre, il y a des associations comme Community Compassion ou Farming, eux ils n'ont que les animaux d'élevage et bah, chez eux il y a un bureau, il y a plusieurs étages, il y a un département de médecine, il y a un département de bidule, il y a un département machin et il y a plein de gens qui travaillent à plein temps sur l'association tous les jours. En France, il y a combien d'associations qui ont des salariés? Si on exclut la gestion des refuges, au quotidien de gérer les chiens et les chiens, mais qui ne fait pas avancer au niveau politique, au niveau des études publiques, très peu, quand même pas ça en charge, qui sont débordés par toutes les activités qui sont superbes, mais qui ne sont pas au niveau militant et politique. En France, il y a très peu d'associations. Alors, on se bouffe un peu le nez sur l'idéologie, ouais, et tout ça, mais moi, s'il y avait une association référiste avec 30 personnes qui allaient bosser au niveau lobbyiste, c'est déjà énorme, on n'a pas ces structures. C'est vrai qu'il y a des initiatives qui sont prises même ponctuellement sur un projet. Ça part au départ du projet d'une bonne initiative. Il y a quelqu'un qui envoie une lettre. Alors, il y a des allers-retours mail. Oui, si tu mets un mois pour faire la lettre. Et puis après, il n'y a pas de suivi actif sur le projet. Parce que là, si j'ai bien compris, l'idée, c'est d'aller chercher des pros de la com. Peut-être bénévoles, d'ailleurs, ou pas, je ne sais pas. Ou étudiants. Ça n'a pas été fait encore. Mais peut-être ça ne marchera pas. Je ne peux pas dire que ça ne marchera pas. Mais je me dis juste, en même temps, si ça peut se faire, pourquoi se priver de l'essayer? C'est juste comme ça que je le vois. Et peut-être ça foirera, peut-être. Mais peut-être pas. Juste tenter, avec du sang neuf, parce que c'est ce que je veux bien comprendre. Lévin, est-ce que toi, tu pourrais lancer l'idée? Parce qu'apparemment, tu connais toutes les associations. Non, c'est pas ça. Tu as fait du travail. C'est un travail d'étudiant, en fin de compte, le groupe de travail, il va réfléchir à tout ce qu'il dit et il va diffuser ensuite la synthèse de ce qu'il a observé. Mm-hmm. Dans tel pays, ça fonctionne de telle manière. Chez nous, il y a 50 groupes d'action différents, ils sont structurés de telle manière. Et ce groupe de travail diffuse de manière totalement neutre un mémoire d'étudiant à toutes les associations qui s'intéressent. s'agit nullement de fédérer, d'imposer ou de réunir tout le monde. C'est ça, je veux qu'il y ait des gens qui sont motivés, qui se réunissent régulièrement et qui essaient de prendre tous les éléments qui sont à disposition. Ouais. Moi, je pense que c'est ça qui est vraiment important, c'est que ce ne soit pas quelque chose de contraignant, quoi. Que ce ne soit pas quelque chose qui implique que, on doive, que toutes les assos qui soutiennent cette structure-là doivent absolument être d'accord avec toutes les... Enfin, voilà, ça doit être quelque chose qui doit uniquement faire voilà, relais entre le monde associatif, et le monde politique, enfin, quelque chose qui, voilà, qui ça n'engage en rien, de faire partie de ce truc-là, enfin, de soutenir ce truc-là, quoi. Tu vois ? Parce que ça, c'est toujours ce qui fait peur quoi, dans les assos, c'est que voilà, on se retrouve coincé dans un truc, quoi, après, ben, on est obligé de suivre, enfin bon. Est-ce que toi, tu dois te lancer Pardon ? Est-ce que toi, tu dois te lancer de ce que tu proposes ? Je pense que ça devrait plutôt être quelqu'un comme voilà, Brigitte, Sébastien, ou des gens qui... Mais... Ah non, je parle à la base pour justement aller voir, pour proposer... Après, ça serait pas forcément eux qui seraient... ça serait pas eux qui s'occuperaient de cette structure-là, mais je pense qu'il faut que ce soit quelqu'un, comme elle disait, qui a quand même une certaine légitimité à la base, qui propose ça aux autres, qui lance le projet. Hein. Mais par rapport à ce que vous disiez, tu penses pas quand même que L214 a quand même une certaine légitimité dans le mouvement ? Non. Vous pensez pas quand même que L214 a une certaine légitimité dans le mouvement ? Peut-être que moi j'idéalise un petit peu, mais c'est vrai que pour moi c'est vraiment l'assaut qui, en tout cas dans le courant abolitionniste, on va dire, qui est vraiment la plus pro, la plus qui avec Monoprix, vous avez démontré que vous étiez capable de faire des trucs qui marchent. Enfin, pour moi, c'est quand même une asso. On peut pas, tu vois, c'est pas une petite asso qui perd rien. Enfin, et si vous veniez, comme je disais, avec d'autres assos à la base et que vous alliez voir des groupes comme justement Espérer, etc. Moi, je pense que là, ça. Au moins, je pense qu'ils écouteraient ce que vous avez à dire. Enfin, bon, je sais pas. Toi, tu penses pas? Il y a énormément de choses à faire, c'est clair, pour les Français et tout ça, mais il y a des limités par les ressources humaines. Non, justement, là, c'est ce que j'ai, c'est un peu le chien qui se mord la queue, c'est que on a besoin de succès à la base, quoi, pour vraiment lancer le truc, avoir une dynamique vertueuse et avoir des fonds qui rentrent, plus de militants, parce que, enfin, genre, c'est... Voilà, l'SPA quand même. Parce que je disais, c'est le chien qui se prend la queue, parce que du coup, là, parce que on a besoin de ces succès initiaux, mais pour avoir ces succès initiaux, il faut aussi qu'on arrive à se mettre d'accord sur certains projets pour que ça marche, quoi. C'est ce que je veux dire. Avant l'action politique, ouais. Mais là, parce que là, on parle dans le cadre d'une action politique. Hein. Oui. Ouais. Enfin, nous, on n'est encore pas à ce niveau-là. J'ai l'impression qu'on est encore en dessous du seuil sur lequel on aurait une légitimité, justement, à aller vers l'action politique de façon structurée. Là, aujourd'hui, on a tous des actions politiques. On contacte tel parti, machin. Enfin, voilà, on commence à l'avoir un tout petit peu. Enfin, je vois L214, ça fait plusieurs années qu'on est. Et d'autres associations aussi, qu'on est invité à parler aux universités d'été d'hiver. Voilà, mais ils ne nous ont encore pas contactés pour qu'on aille faire la fois chez eux. Enfin, ça commence à venir, mais ça commence à venir parce que justement, il y a les actions de rue, machin, on commence à être un petit peu connu, mais justement, enfin, je pense que c'est encore un peu. C'est vraiment fragile comme structure. Chose qui a peut-être plus d'avantages à l'étranger. parlais, quand j'avais des questions sur ce que tu avais dit, tu parlais de 1 million sur 6 millions de néerlandais qui adhéraient à l'association. 1 million sur 16 millions, ouais. Sur 16 millions, ouais. Tu n'as pas donné le comparatif par rapport à la France et tout ça, et sur ces 1 million, est-ce que c'est des associations qui sont sur des associations généralistes type 30 millions d'amis, ou est-ce que c'est des associations type PMAF ou type, Là, c'est en comptant tout, quoi. Tous les animalistes, enfin, toutes les associations animalistes, quoi. Donc, du chien. Voilà, ouais, ouais. Mais pas écolo, hein, uniquement animaliste. Voilà, et est-ce qu'il y a un comparatif sur la France? Non, non, je ne savais pas trouver. Sur le mouvement autrichien? Non, ça, je n'ai pas trouvé de chiffre. Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'aux Pays-Bas, en fait, il y a une association qui publie, en fait, le palmarès, un peu chaque année, de toutes les associations et écolo et animalistes. Donc, moi, j'ai fait le tri pour prendre vraiment quelques années. Mais je n'ai pas retrouvé une liste comme ça pour la France. Mais pour la LSD avait des chiffres, il m'avait dit il y a deux ans qu'il y avait au total 900 000 inscrits, toutes associations de protection animale confondues. Et il faisait me mettre en balance, il y a 1 300 000 chasseurs. Voilà. Pour dire que c'était bon. 900 000 inscrits. Oui, ben c'est chasseurs. Ouais. Ils sont stressés, parce que maintenant, ils rentrent dans les écoles, ils cherchent à faire des recrues dans le primaire. Alors, ils commencent à. Et pareil, en Autriche, combien ils ont de salariés? Est-ce que c'est une structure qui travaille quand même salariés? Parce que le mouvement en Hollande, comme tu l'as dit, c'est un mouvement très professionnalisé. Mm. Donc je connais un petit peu les structures en Hollande mieux qu'en Autriche. Et donc je vois effectivement des structures qui ont des salariés, même très peu, mais qui travaillent quand même sur le salariat, c'est-à-dire avec des gens qui se dégagent juste à plein temps et qui montent leur propre poste. Ouais. Donc est-ce qu'en Autriche c'est le même cas? D'éviter qu'on ait une salariée par exemple. Ouais. Je crois pas, après je ne peux pas être sûr, mais je n'ai pas l'impression. Hein. Je pense que c'est vraiment comparable à la France, quoi. C'est-à-dire qu'on a quelques gros groupes type SPA, Bardot, 30 millions d'années, etc. Et après, par exemple, VGT, je pense qu'ils doivent avoir peut-être quelques employés, mais pas. Je pense que c'est vraiment comparable à 2014 VGT, par exemple. Et après, les autres groupes, les autres petits groupes abolitionnistes, etc., je pense pas qu'ils aient employés. Je pense vraiment que le mouvement en Autriche est vraiment comparable à la France, quoi. De ce que j'en ai vu et de ce que j'ai pu en comprendre, je pense que oui. Mais ils sont hyperactifs. Voilà, c'est ça, oui. Ouais. Et après, quand vous discutez des projets, effectivement, de groupes, des groupes de recherche, peut-être à partir de des commerces et tout ça, moi, j'ai pas l'impression que vous parlez du même projet, parce que toi, c'est plutôt dans le cadre d'une campagne de A à Z, une campagne de communication sur quelque chose, ou alors sur le lobbying aussi politique. Moi, c'était plus en mode projet, c'est-à-dire qu'il y a un projet qui est défini sur une action. Et après, moi je ne sais pas précisément, mais ça peut être, pourquoi pas, tout peut être dit par le groupe de travail, tout peut être dit, qui réfléchit sur tous les leviers pour obtenir comment arriver à avoir le résultat escompté sur telle action, je veux dire n'importe quoi, ça peut être un truc complètement absurde. J'ai pas d'idée comme ça en tête. Mais un groupe de protection animale, tu veux dire pas? Ah oui, de toute façon, en lien avec la protection animale. Oui, genre éliminer les cages pour. Oui, voilà, par exemple, on peut prendre un exemple de ce qui a été fait, éliminer les cages pour les détruire, par exemple. Donc, si c'est ce qui est défini par le groupe de travail, donc là, eux, ils réfléchissent à tous les leviers nécessaires pour arriver à ce résultat, qui vont évidemment comprendre les actions militantes de terrain, indispensables pour faire du brin d'arme. Les leviers politiques, les leviers médiatiques, etc. Et après, les pistes sont courtes. Enfin, je pense que c'est un petit peu comme ça. Et après, rechercher quelles sont les ressources humaines qui pourraient être apportées. Et puis, faire un projet déjà, je pense, bien réfléchi, suffisamment réfléchi pour que quand les associations, toutes les associations sont démarchées, c'est une association, elles sont dans leur quotidien et généralement hyper surchargées. Donc, si tu viens avec un projet qui n'est pas ficelé, il y a peu de choses d'intéresser la sauce qui est déjà dans la tête dans le guidon pour tout ce qu'elle a géré. Donc, en revanche, si tu as un projet qui est, tu sens qu'il est déjà bien réfléchi, bien abouti, machin, après, c'est voilà, vous marchez pas, enfin, vous êtes intéressé ou pas, hein, je pense que ça peut être un petit peu comme ça, mais j'en sais rien, honnêtement. C'est comme ça que fonctionne le Parlement. Le Parlement, il y a plein de partis différents, il y a plein de députés qui ne s'y ajoutent pas, qui ne sont jamais là. Je sais pas, il y a des groupes de travail sur la fiscalité, sur la manière dont on récupère la fraude fiscale, sur la manière dont on va gérer tel projet, comment on réindustrialise la France. À chaque fois, c'est un petit groupe avec un leader parce qu'il a la méthode. Et ensuite, on prend un parlementaire de droite, de gauche, etc. On va prendre un universitaire, un fonctionnaire. Ces gens travaillent. épluche tout ce qui existe. Tous les modèles à travers le monde font plein de propositions et proposent toutes les alternatives. Ce que tu viens de faire sur les alternatives, que ce soit les welfareistes ou les gens qui ont une approche plus dogmatique, on propose des options. Et à ce moment-là, le Parlement pioche le gouvernement, ce que fait le gouvernement, il pioche dans les différentes options, ce qui lui paraît plus jouable sur le plan politique, sur le plan social. Et ce groupe de travail ferait exactement la même chose qu'une commission parlementaire. Rencontrer toutes les parties prenantes, la SPA, etc., selon les ensembles, et faire une synthèse. C'est vrai que c'est un gros travail, mais c'est comme ça que les choses vont. Et tous les gouvernements font ça, ils passent que par les commissions, parce qu'eux-mêmes n'ont pas tous les éléments pour tout ça. Par contre, ouais, pour vraiment démarrer avec un petit projet au départ, qui a plus de chances d'être. Évidemment, si tu commences d'emblée avec un projet vachement dur à obtenir, c'est évident que. Effectivement, je pense qu'il faut d'abord des petites victoires pour lancer. Comment dire. Dans une dynamique de succès, en fait. Donc, probablement, il faut viser petit pour le premier projet de travail, de façon à pouvoir mobiliser. D'emblée, tu pars sur un projet, tu sais que c'est les gens vont, les autres assos vont se dire que tu pars, c'est inatteignable, alors on n'a pas de temps à faire, machin, enfin j'en sais rien, je dis ça, peut-être qu'il ne faut pas faire ça. Si, enfin, c'est ce que disait Henri Spira sur le. On s'est lancé dans une campagne et vérifier que les entreprises n'étaient pas bouchées avant de s'appuyer dessus comme un. Voilà, fonctionner quoi. Voilà, il fallait mieux prendre une cible où il y a déjà des chances de. Enfin, vous voyez déjà des conditions. Voilà, c'est ça. Que vous êtes 214, vous pourriez lancer l'idée pour voir qui est partant, sachant que c'est tout un chacun. Lancer l'idée pas. C'est l'idée du groupe de travail. Il faut bien qu'une des associations lance l'idée, voit qui est partant, et définisse un lieu, etc. C'est pas forcément une association, ça peut être un groupe de personnes. Ça peut être une personne, mais si aujourd'hui. On peut le définir sur le tableau, la demande, et qui est partant. Et c'est 5-6 personnes, c'est pas 15. On est dans l'association universitaire, on était 12 membres par moment, ça ne marchait pas. Il fallait prendre la moitié des 12 et on avançait. Déjà, vous avez des choses. Mais moi, je vais faire un état de tout ce qui existe, et moi, c'est les propositions. David, il faut pas me. Oui, juste pour faire le point dogmatique sur ce qui sont les estivales, c'est que les estivales, en tant que thèse, sont neutres. C'est-à-dire qu'on n'est pas une association, enfin, une organisation des estivales. N'a pas de position ni contre la libération animale, ni pour faire une association, une welfareiste ou quelque chose. C'est aux personnes qui sont ici de se rencontrer, décider de leur stratégie, de prendre du temps. C'est pour ça aussi qu'il y a des temps morts, c'est pour que les gens puissent décider de faire un petit groupe s'ils veulent dans leur coin. Les après-midi ou les matinées, il n'y a pas d'autre truc. C'est à ça que ça sert aussi. Pour la petite histoire, L214 au départ c'est Stop Gavage et c'est né des estivales avec un petit groupe militant des estivales qui ont commencé Stop Gavage et qui a commencé à faire ça. C'est exactement la même chose avec l'idée d'avoir une campagne gagnante qui était à relire le foie gras. Tous les députés mangent du foie gras. Tu me parais vraiment très. Enfin, moi j'aime bien l'idée d'un groupe de travail et puis d'arriver à fédérer après autour de. Ce que je ne vois pas, c'est. Vous avez fait 214. Et est-ce que Philippe Sandrin, plus tôt aujourd'hui, je ne vois pas en fait quel est le projet gagnable aujourd'hui. Parce que dès que justement, l'exemple du foie gras, au départ, on sait que c'était un truc atteignable. Et je pense qu'il y a. C'était naïf une fois qu'on connaît comment ça fonctionne, mais je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent le penser aussi, parce que c'est le premier engagement que les gens prennent quand ils arrêtent quelque chose, enfin, souvent ils arrêtent le foie gras, enfin, il y avait les mouvements. Là, de trouver quelque chose, un objectif atteignable, ça me paraît vraiment Et si on prend le cas de la fiscalité, le groupe de travail ne part pas sur un projet de fiscalité, le groupe de travail réfléchit à la fiscalité dans son ensemble. Le groupe de travail réfléchit à la cause animale dans son ensemble. Et détermine un objectif. Et après, définit ce qui est jouable. Est-ce qu'il faut travailler avec le WWF? Je pense que vous connaissez Isabelle aussi. Je le connais personnellement, c'est un exemple. Est-ce qu'il faut rencontrer la SPA? C'est le groupe de travail qui va se poser des questions. Il ne part pas sur un axe. Il se pose des questions sur l'ensemble de la fiscalité, c'est un bon exemple. Et il dit pourquoi on fait pas de choix là, en termes de fiscalité. Et dans une deuxième partie, on dit vu les enseignements des EPI, si on peut changer notre fiscalité. réponses qui ont été positives. La France, c'est pourquoi c'est chaud en France, parce que culturellement, les Français sont très chauds au foie gras. Moi, mes collègues allemands ne comprenaient pas qu'on mange du foie gras. Les collègues américains ne comprenaient pas. Le French, il lui dit ça, il est étrange. Donc, c'est bien que le groupe de travail prenne ça en compte et le mette dans sa synthèse, dans le foie gras, publié aujourd'hui. C'est un thème qui fera avancer la cause avant le foie gras. Et en fait, l'idée à la base là, que je proposais, en fait, c'est plus, je pense, avoir comme une plateforme, en fait, que pas plus quelque chose à travers quoi on pourra peut-être arriver après à avoir plus de coopération et de concertation entre les groupes et après avoir des projets communs. Mais au moins, au départ, avoir une structure qui centralise l'information, qui fasse le lien avec le monde politique, etc. Tout ce que je veux dire, quelque chose de... Alors, on n'a pas besoin d'avoir déjà le projet à la base, de dire bon, ben, on va se mettre d'accord sur tel projet ou quoi, tu vois, mais juste d'avoir cette structure qui permette d'être un peu le centre du mouvement, quoi, et de faire le lien entre tout le monde et entre l'associatif et le politique, etc. Justement, cette histoire de Fogol, j'ai l'impression qu'au départ, on s'était dit que Fogol, c'est un peu le point faible, donc c'est tout ce qui peut. Mais en face, je pense qu'ils ont compris assez rapidement, pas tout de suite. Mais justement, c'était leur point faible et que si le foie gras est maintenant si difficile à abolir, c'est que l'ensemble de l'industrie de la viande voit le foie gras comme le symbole de la brèche à colmater. Et que ça peut se produire sur n'importe quel truc que nous on dirait ah, ça c'est un point faible, alors en fait, ils ne sont pas forcément si bêtes que ça. Donc, il y a une solidarité, je pense, de l'ensemble de la filière viande. Isabelle, oui, je me disais pour un premier projet, ça pourrait ne pas forcément être en rapport avec l'alimentation carnée. Ça pourrait être un truc qui pourrait concerner les chiens et les chats, par exemple. Donc ça, c'est beaucoup plus universel. Ça permet d'aller toucher d'emblée des grosses assos plus ouvertes, entre guillemets, auprès de au niveau du nombre d'adhérents. Mais je dis ça, mais je dis pas, c'est une bonne idée. C'est juste que c'est pas forcément. Nous, on a tendance, parce qu'on est tout le temps la tête là-dedans, on a tendance à réfléchir d'emblée sur les projets liés avec la consommation de produits animaux. Mais peut-être ça peut être autre chose à côté qui serait un petit peu plus facilement gagnable. Genre, je dis pas que c'est gagnable d'avance, attention. Mais genre, l'interdiction de vente des chiens, des chats en animalerie, par exemple. Je sais que c'est très difficile, je ne dis pas que c'est facile. Mais un truc qui permettrait de fédérer plus facilement les mentalités, et après, si les grosses associations peuvent être aidées dans cette démarche, c'est sans doute plus facile après d'aller les solliciter pour des sujets qui vont plus nous concerner. Et peut-être, parce qu'évidemment, je ne suis pas bisounours non plus, le comité Noé et compagnie, on sait ce que c'est, mais moi, je ne sais pas trop quel est leur poids. Ouais, c'est dur à savoir. Ouais. Mais en tous les cas, peu importe leur poids, ils ont au moins un poste dont on connaît tous la portée. Et donc, peut-être qu'on n'arriverait même pas à faire des choses comme ça. Mais en même temps, je me dis, pourquoi pas essayer? Bon. Tu le dis? Là, aussi, tu les appelles. Tu peux parler plus fort? C'est possible, ouais. Dire qu'ils aient démontré au gouvernement qu'ils n'étaient pas gagnants, que l'État n'était pas gagnant. Quoi, ça. Okay. Je suis en train de me demander, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer faire la même chose que les Autrichiens, c'est-à-dire commencer par organiser une conférence unitaire où on a vraiment tous les groupes et dont le sujet serait l'action politique, par exemple. Au moins ça. Donc ça ne portera peut-être pas ses fruits, mais au moins essayer de réunir toutes les assos, ce qui n'a jamais été fait, non ? Enfin, je ne crois pas qu'on ait eu jamais un événement où toutes les assos étaient venues discuter de... Non. Peut-être organiser une conférence avec inviter tout le monde et où chacun parlerait peut-être de ses stratégies, etc. Et où on pourrait introduire dans cette conférence-là cette notion de créer une structure comme ça. Enfin. C'est pas sûr que ça porte ses fruits, mais c'est pas trop dur à faire, quoi. À priori. Ah bah c'est ça, oui, ouais, non, c'est ça. Mais il faudrait que ça soit des gens comme vous, ou tu vois, voilà, L214, DBA, ou je sais pas, mais... Ah bon, on n'a pas la légitimité auprès des causes. Oui, mais si vous les invitez juste à cette conférence, là vous ne leur demandez pas directement de venir... Non, mais même ça, ça veut dire qu'eux, ils prennent leur temps pour venir à ce point. Ouais. Moi, je suis pas sûre qu'on aurait envie... C'est à ce point-là, tu crois vraiment qu'il y a... J'espère, oui, d'accord. Ouais. Si le groupe de travail arrive sur un projet à rajouter voilà, dans les leviers, il faut qu'on décroche quelques personnalités. Si tu arrives après avec déjà des personnalités qui se sont déjà reçues, on sait très bien que c'est difficile à les trouver, mais mettons que ça se passe. Après, tu vas voir les autres associations avec déjà dans la musette de dire on a déjà un tel, un tel, un tel, donc qui ne sont pas liés au monde associatif, mais qui sont connus. Qui sont partants pour défendre ce projet-là. Ça peut aider aussi peut-être pas. Je pense que le levier sécurité. Oui, mais le levier célébrité, c'est exactement le même que le levier grosse d'assaut, c'est-à-dire que si tu as une seule célébrité, il ne viendra pas parce que. Attends, qui c'est qui vient aussi ? Ah non, il n'y a personne, je suis tout seul. Bah non, moi je ne viens pas. Donc il faut déjà que dans les trois, mais pour en avoir trois, il faut déjà que dans un qui dit oui. Parce qu'on pourrait déjà imaginer, bon, je pense que quelqu'un comme Émeric Caron, par exemple, oui. Ou quelqu'un comme Henri-Jean Servat, ou je sais pas, des gens comme ça, je vois pas pourquoi ils diraient non, surtout qu'ils le font déjà, ils ramènent déjà dès qu'ils peuvent cette thématique-là dans leur boulot, ils le ramènent eux-mêmes publiquement. Dans leur boulot, ils peuvent parler des assos, tu les as déjà associés avec quelqu'un pour l'instant. Mais est-ce que et in fine ce consultant, puisque tu as écrit un livre, qui a fait cette étude de marché, la crédibilité, pour initier une réunion globale de la fédération, parce qu'apparemment, il a le savoir qui intéressera l'ensemble des adhérents. Vous pouvez très bien vous lancer votre étude de marché sur la condition animale et informer les autres associations que vous faites ce travail de manière neutre, comme un consultant, et vous leur mettez à disposition si ça les intéresse dans un deuxième temps, ce qui est beaucoup plus facile. Donc l'industrie a les deux méthodes, soit c'est noyé parce qu'ils sont peu nombreux et très fortunés, soit c'est une activité extrêmement dispersée, souvent c'est deux consultants qui travaillent et qui revendent. Ça vaut 2500 euros une étude. Hein. Quand vous êtes sur une activité, je ne sais pas, vous faites du garrot, si vous achetez une étude, c'est 2500 euros. Il y a des cabinets spécialisés là-dedans. Et à ce moment-là, le cabinet fait un mailing à toutes les entreprises en disant l'étude est finalisée, il y a 300 pages, manifestez-vous. Donc vous pouvez très bien le faire de cette manière-là. C'est-à-dire, on a fait une étude, bien sûr elle est gratuite, les gens qui participent ne sont pas payés, etc. On a fait une étude, on a plein d'éléments de réflexion intéressants. Il se peut qu'il y ait pas mal d'associations qui la lisent, qui s'y intéressent, dans un deuxième temps, qui essaient de réunir avec les membres de l'équipe pour échanger sur tous les benchmarks que vous avez découverts, tous les éléments à travers le monde, toutes les propositions. Une fois de plus, ça prend tout le monde, ça marche. Il faut un petit groupe qui avance et ensuite tout le monde s'agrège parce que ça avance. Si vous voulez que tout le monde bouge en même temps, regardez dans les manifestations, vous avez un petit groupe de gens qui sont en marche. Et si vous attendez que tout le monde se mette en marche en même temps, vous allez bouger. Merci. Alors, j'ai une question pratique de 2500 euros. Qui est-ce qu'on finance ? Moi, je parle du privé, je parle pas de vous. Non, mais même un privé, une étude de 1500 euros, une étude d'urbanisme, ça coûte 30 000 euros pour une petite commune. Donc, 2500 euros, ça me paraît beaucoup. Donc, l'étude d'urbanisme et l'étude précise sont en plein pour un client de l'étude qu'on a besoin. L'étude de marché, c'est une étude qui peut toucher 100 000 entreprises en France. Donc, 100 000 fois 2500 euros, ça fait une fortune. Et ces études de marché, c'est le prix d'achat d'études. Chaque exemplaire. L'Office français du commerce extérieur, une étude sur l'industrie de la chaussure en Pologne, de 1500 euros. Chaque industriel de la chaussure qui veut investir en Pologne va acheter l'étude de 1500 euros. Mais elle est à disposition, mais on ne sait pas qui va l'acheter. Mais elle a été finalisée. Chacun a sa méthode, soit c'est un consultant qui est riche, soit c'est un organisme comme l'OSCE, l'Office français du commerce extérieur, soit c'est un groupe de gens qui se mobilisent parce que vous êtes bénévole, donc vous ne pouvez pas facturer. Et je vous dis simplement comment ça marche dans votre domaine, et ça marche très bien. Je vais avoir acheté des études de marché, je sais que c'est une excellente solution. Ouais. Un groupe de personnes qui y croient et qui diffusent l'information, ceux qui connaissent. Vous connaissez toutes les associations, bah, faites l'étude et vous pouvez vous Non, l'industrie appelle ça une étude de marché, mais c'est quand même une étude, c'est un état de la cause animale en France. Un état. Situation à l'heure actuelle. Quels sont les freins prendre un exemple. Prenez une méthode, mais il ne faut pas la mettre sur un tableau. Il y a des types de travail sur ce qui existe en France, les benchmarks sur le pays, le contact avec les associations, une ampoule avec des différents thèmes de travail, et ensuite les structurer dans un mémo. L'étude, à chaque fois qu'elle est achetée par une entreprise, est facturée 2005. Donc, si c'est une grande entreprise qui demande une étude dans le cabinet, elle peut être plus aidée. Si c'est un pour un cabinet, c'est plus. Mais voilà comment ça fonctionne et ça fonctionne très bien. Et est-ce qu'on veut transposer les méthodes dans l'entreprise, on n'est pas convenu de l'association. Posez-vous la question. Je comprends qu'il faille récupérer certains éléments. Je pense que c'est une même d'un point de vue éthique, parce que c'est quand même. Il peut y avoir des problèmes au point de vue. Oui. Non, je pense qu'un bilan, ça peut être pas mal, parce que par là, on discute par exemple de pas interdire, enfin, même ne serait-ce que d'avoir une idée précise de comment ça fonctionne, comment on fait passer une loi, là, toutes les luttes qu'on a par exemple sur les animaux d'élevage, enfin, c'est au niveau européen que ça a commencé, et donc au niveau côté, on peut en combiner presque rien d'obtenir, enfin, des solutions, des gentilles. Il y a pour l'instant des verrous qui sont de marcher sur l'état de la condition animale au niveau européen. Eurogroupe fait ça chaque année. Eurogroupe pour animaux, ils font ça à peu chaque année, ils font un bilan de l'état. C'est peut-être pas si précis qu'une consigne, enfin, ils font un boulot qui est vraiment bien précis. Sur l'ensemble. Oui, sur l'ensemble des villes. Et on n'a pas avoir accès à ça Généralement, non. C'est les membres de l'Eurogroupe. Donc en gros l'année prochaine il faudra inviter les mecs de l'Eurogroupe quoi, hein, qui nous disent comment ils ont fait au débat. Mais là, je pense que l'idée dont il parlait, c'était là, c'est un exemple qu'il donnait pour, dans l'industrie, mais que nous, ça ne serait pas un truc payant, ça serait des militants qui ont les capacités de faire ça, oui, les connaissances nécessaires, qui feraient comme une étude de marché. Mais... Je pensais aussi à Michel Drucker et Dany Saval. Ouais. Mais ma copine m'a dit, on a déjà fait appel à Dany Saval. Pour, Dany Saval, c'est la femme de Michel Drucker. L'actrice, elle a une fondation comme Michel Bardot, dans son domaine, à Paris, je ne sais pas où, dans le Midi, elle a des chèvres, elle sort beaucoup de... Elle n'a pas voulu s'investir. Ma copine a déjà demandé, elle est à Paris, elle n'a pas voulu bouger. Elle n'a pas voulu, ah oui. Non, elle n'a pas voulu aider avec au sujet de l'INRA, là, je ne sais pas quoi. Tu peux lui demander à ma copine si tu veux la sortir. Ouais. Et sinon, il y en a rien, je pense qu'il les aime, il ne peut pas trop s'investir, il ne peut pas trop garder. C'est Nagui. Mm-hmm. Plusieurs fois, depuis 3-4 ans que je regarde à la télé, il glisse un mot pour les animaux. Mm-hmm. Toujours, il glisse un mot gentil. Ouais. Ouais. Nagui, on peut faire quelque chose. Et peut-être de Chavannes, parce qu'avec son chien, bon, il en est fou. Mais Nagui, on peut. Peut-être qu'il est gentil, Nagui. Hein. Donc je ne sais pas. On peut peut-être en parler justement à 1914, comme ça. Oui, oui, oui. Il y a Michel Dogman, naturopathe, qui a fait des livres. Il a fait des chapitres entiers sur les animaux, Michel Dogman. Il y a des gens comme ça, ils sont connus quand même. Hein. Il est vachement bien. Voilà, donc je ne sais pas. Moi, je fais des actions tous les jours à Montpellier avec l'alarme, le clan, le sagrada. Je fais toutes les actions, mais je travaille personnellement. Je traque, je mets dans les boîtes aux lettres, j'essaie de raisonner les gens, les gamins, les ados. Je vais en Tunisie, j'essaie de raisonner les Tunisiens. Tu vois, déjà dans des familles, il y en a les fils de famille. Ils m'ont dit, avec ce qu'on m'avait dit et fait voir, ben, je ne peux plus tuer le mouton de la famille. Ce ne sera plus moi qui le ferai. Je le dis, ben, si tes frères et sœurs sont comme toi, et ça veut dire que c'est pas bien, que vous faites du mal, tu vois. Je travaille là-dessus sans arrêt, j'arrête pas. Et c'est sûr que j'aimerais avoir un boulot, genre enquêteur, inspecteur vétérinaire, mais je pense qu'on est payé par les services vétérinaires. Et j'aimerais aller voir comment ils sont traités, tu vois, dans les... Je voulais faire enquêtrice SPA à Montpellier. Il faut recommencer à zéro, c'est comme une connaissance. Oui, c'est ma copine. Je la vois bientôt là. J'étais avec elle mercredi et samedi. Elle a pas pu. Elle m'a dit ouais, parce que. Elle a pas, je sais pas pourquoi, elle a pas pu venir. Ouais, elle a pas pu venir. Et qu'est-ce que je te disais juste avant? Alors, tu me disais qu'à Montpellier, c'est pour ça que j'ai pas eu de salier à Montpellier. J'aurais voulu sauver les animaux martyrisés, tout ça. Je ne sais pas s'il y a des emplois, par exemple enquêteur, oui, enquêteur vétérinaire. Parce qu'en plus, je suis naturopathe, je peux soigner les animaux. Même les soigner, j'ai des dons pour soigner en magnétisme et tout. Plus la naturopathie, puis j'étais infirmière en psychiatrie quand j'étais jeune. Je peux soigner ceux qui sortent des laboratoires, qui sont dans un salon de pas. Je peux faire quelque chose pour qu'ils aient une fin de vie plus heureuse, tu vois. Il faudrait que je trouve un poste, parce que je suis bénévole partout, j'ai pas un sou, quoi. Et il faudrait que je trouve un poste. Ah oui, l'SPA, c'est, je voulais te dire, je voulais donc faire une quêtrice à SPA. Ils veulent que je promène les chiens pendant 6 mois pour voir de quoi je suis capable. Attends, je l'ai fait plusieurs années en Auvergne. Je pars partir à zéro. Donc ils ne veulent pas confier les chiens comme ça. Enfin, quand tu as des références, ils appellent les pompiers, les gendarmes. Donc c'est pas comme s'ils en avaient à revendre. Oui, voilà. Ouais, en plus, je fais bénévole, tu t'imagines? Bah oui. Donc ça ne me plaît pas. Donc non, je suis pas d'accord, moi. Non, sinon si je fais marche arrière, alors si je commence à zéro. T'es quelque part juste? Ah, je sais pas. Oui, je pense, oui, ça enregistre. Autant il le comprend à quel point. Non, non, c'est... T'habites dans quel coin, toi? Moi, je suis en Angleterre, maintenant. Parce que L214, c'est un jeu pas mieux, non? Ouais. Ah oui, c'est bien. Et tu fais quoi? Tu continues tes études? Ouais. Ben là, je fais un doctorat, ouais, toujours en politique. Et là, je fais la répression des mouvements. Et tu travailles sur certaines... Parce que les avions étaient assez actifs pour combattre les lagos. Ouais. Et puis eux, ils se sont fait réprimer bien comme il faut. C'est aussi que maintenant, le mouvement est un peu un point mort parce que... Ouais, là, il y a une grosse répression. Mais pas aussi évidente qu'en Autriche. C'est-à-dire qu'on n'a pas foutu des gens en tôle comme ça, sans preuve de quoi que ce soit. Enfin, c'était plus vicieux, quoi. Et c'est vrai que ça a un peu cassé le mouvement là-bas. Moi, je m'attendais en y allant à trouver un mouvement. Peut-être qu'on avait l'image voilà, de l'Angleterre avec des milliers de gens dans la rue pour les animaux et tout. Bon, c'est un peu moins ça et ces années. Soit tu fais du Greenpeace et tu sors de la mesure publique. Soit tu fais un autre registre où la plupart des gens peuvent accéder à l'Angleterre. C'est des choix fondamentaux, s'ils ne sont pas faits. Nous, on a été à plusieurs manifs, on a été extrêmement déçus. On a fait la manif du salon de l'agriculture, on en parlait à l'instant, tout le monde est d'accord. Il y avait 300 personnes, il y avait 15 revendications différentes. C'est ça, c'est vrai. Je me suis fait attraper par un bonhomme qui me disait qu'on était pour les agriculteurs. C'était en Grande-Bretagne, il y avait plus. Je pense qu'effectivement, il y a plein de thèses qui ont avancé. De toute façon, c'est forcément sur une des invitations des journalistes qui demandent de vous s'intéresser. Juste une adresse moi, tu veux. Ouais, c'est bien, je suis là. T'appelles comment? Richard. Tu fais à l'américaine. Pourquoi? Nice to meet you. Tu salues les gens. Je sais pas, c'est peut-être pris l'habitude dans l'Angleterre. Parce que les Français serrent la main tous les jours, les Américains serrent la main qu'une fois. Oui. Avec mes collègues américains, je faisais gaffe parce que si je leur serrais la main à le lendemain, je disais. Il a oublié qu'il me connaît. Ce con, il m'a déjà oublié. Enfin, ça m'est arrivé comme ça. Après, j'ai dit bonjour, je me dis, mais tu sais, t'es pas obligé de faire ça. Je me sentis vraiment vexé. Je t'ai déjà présenté. Mais juste carte de visite, mais. Mais j'ai apprécié votre discours parce qu'on a besoin de l'entendre ici. Parce que c'est. Ça fait 3 ans que je viens ici. C'est ressourçant sur le plan individuel, mais quand on ressort, il n'y a plus rien. Et moi, dans le levier, ce serait l'éducation. Je repartirai seule. J'aimerais pouvoir, avec d'autres personnes, mutualiser des approches, des outils. Moi, je travaille en UFM, je suis formatrice enseignant. Et il y a un autre levier, par l'outil, la philosophie pour l'enfant, j'arrive à amener la thématique animale dans des groupes d'enseignants. Et au départ, on me disait que ça ne marchera jamais. Et je me rends compte qu'il y a une adhésion, il y a 90% des gens qui se sont inscrits en optionnel sur ce truc-là. Donc je me dis, mais j'aimerais travailler avec d'autres, mutualiser les outils, mettre en commun les ressources pédagogiques qu'on a. Ben, je suis vachement seule. Parce que dès qu'on se retrouve en France, effectivement, c'est chacun dans son coin qui agit avec ses émotions, ses sentiments. Et il n'y a pas de stratégie pour le faire. Et dès que je me rencontre avec quelqu'un, il y a le narcissisme des petites différences. Il suffit d'être différent sur un point pour dire on ne peut pas travailler ensemble. Je te remercie. Au lieu de voir le côté fédérateur. C'est ça. Ben moi, je connais bien Isabelle Autissier, les WWF, ils ont 50 salariés à plein temps et 500 bénévoles. Oui, tout à fait. C'est une usine, elle dit, mais moi j'ai un travail de management de ressources humaines, c'est phénoménal. Mais l'idée que tu amenais, et ça elle a peut-être du mal à être entendue ici, et c'est dommage, c'est que des gens qui sont quittés leur boulot, parce qu'on confond militantisme et sacerdoce. Bien sûr. Bon, des gens comme Sébastien Michel, je n'en connais pas en France. Des gens qui abandonnent un boulot de prof, peinard, statique, etc. RITT.richard.fr. Et alors là, c'est quoi ça? RITT, RIT, Richard. Okay. Oui, des gens qui abandonnent leur boulot pour se donner de façon sacerdotale à la cause, c'est rarissime. Et si on attend que des vocations comme celle-là pour avancer, c'est ça. Par contre, des gens qui sont dans leur boulot, que tu parlais de la personne qui est en comptabilité, qui est motivée, parce que c'est vrai que dans le grand public, il y a beaucoup de gens motivés, qui sans quitter leur job, seraient prêts à donner une partie de leur temps pour ça. Sans compter que le milieu de l'entreprise permet aussi d'avoir une autre vision. Et il y a des compétences. Il y a des gens qui font des doctorats en sciences économiques, sur les alternatives. Parce que c'est vrai, les obstacles qu'on rencontre dans les boutiques, il y a des emplois. Mais quand s'ils pouvaient voir que des études, des prospectives, donc il y a plus d'emplois, avec des alternatives qui a cautionné le bon vieux système, eh bien là, à partir de là, ça peut commencer à facturer les choses. Or, les systèmes, par définition, en termes de représentation, ils fonctionnent dans des représentations vieillies et qu'ils entretiennent parce qu'ils ne savent faire que ça. Il n'y a que des groupes de travail qui arrivent à penser autrement et à oser l'audace d'amener d'autres alternatives. Mais le système, entre guillemets, il est payé pour que ça ne change pas. Donc, si on attend que le système change à l'intérieur, il ne changera pas. Mais par contre, des groupes de travail, des gens extérieurs, arrivent, eux, à faire émerger de nouvelles représentations. Et là,